Moderne, hein, pour tout vous dire. Le soleil brille. Mais pas trop, pas trop quand même. Pas trop moderne quand même. Non, pas trop moderne. Non, faites-le bon, pas. Bon, écoutez. Allez, je vous fais une bonne vieille météo de chez nous. Avec aujourd'hui une recette d'été, façon fin d'été, mais agréable. Donc on va plutôt le faire à l'étouffée plutôt que vraiment étouffant la semaine dernière. On a 20 à 25 degrés attendus aujourd'hui. Voilà qui est bien en termes de température. Et on a des brumes et des bandes brouillard actuellement, mais qui vont se dissiper pour laisser la place à du soleil. Soleil qui est déjà d'ailleurs présent sur la plupart des régions. Pour aujourd'hui, donc, journée sèche. Demain aussi, avec 22 à 26 degrés. Jeudi et vendredi, on garde également ce temps sec avec quelques variations de température. Mais dans l'ensemble, ça restera très agréable. Vous écoutez Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et ce constat, jongler avec l'ordinateur, ce n'est pas encore à la portée de tous. Et non, la Ligue des familles a sondé plus de 1000 personnes et résultat, la fracture numérique s'aggrave. Une personne sur cinq est très en difficulté sur le net, c'est-à-dire qui ne sait pas envoyer ou recevoir un mail, qui a de grandes difficultés pour chercher une information qui ne la trouve pas. Donc on voit quand même que, autant il y a 15 ans on parlait de fracture numérique, aujourd'hui on parle d'un analphabétisme numérique, c'est-à-dire des difficultés pour beaucoup de gens à utiliser ces outils d'information. Delphine Chabert de la Ligue des familles, jointe par Patrick Michel, et face à cet analphabétisme numérique, la Ligue des familles met en garde contre un risque d'exclusion sociale. Il faut, dit-elle, proposer des solutions de rechange à l'ordinateur et il faut que ces solutions ne coûtent pas plus cher. Le numérique qui s'invite aussi au commissariat. La commune flamande de Le Saint-Pierre a installé un poste de police virtuel, le premier du pays. Pour déclarer un vol, déposer plainte ou demander des informations, les citoyens peuvent s'adresser à un policier par vidéoconférence. Anne-Hélène Andang, la porte-parole de la police de Zonnevalley. En entrant dans ce local, on trouve un écran tactile avec derrière un plus grand écran. Il y a deux options que l'on peut choisir. La première est explicative et là on reçoit toutes les informations concernant le fonctionnement du programme. Le second choix sert lui à entrer directement en contact avec un agent. C'est très compliqué d'assurer une présence policière dans chaque commissariat du matin au soir. Les gens apprécient d'avoir un poste de police près de chez eux ou dans leur quartier, donc on a cherché une alternative. Une interview de Natacha Mann et Christian Mazui. Ce commissariat est donc une première en Belgique, mais le projet est en réflexion dans d'autres villes du pays. Il n'y a pas que les petits qui se préparent à rentrer à l'école. Et non, les étudiants reprendront bientôt le chemin des auditoires et à 3 semaines de la rentrée académique, certains n'ont toujours pas de logement. Les cotes se font rares. Dans ce qui reste, on trouve un peu tout et parfois n'importe quoi. Alors ne vous faites pas avoir. Les propriétaires sont tenus de respecter des normes imposées par les communes. Illustration à Liège avec Barbara Chal. Pour être loué, un petit appartement doit effectivement répondre à certaines règles. David Dehousse est architecte et enquêteur logement auprès de la ville de Liège. On a des normes au niveau des surfaces vitrées pour éviter de se retrouver aussi avec des gens qui seraient logés dans des combles ou dans des caves sans lumière. Alors on a des hauteurs minimum sous plafond aussi. Des normes minimum au niveau tout ce qui est sanitaire. Pour créer un logement étudiant, puis le proposer à la location, il faut d'abord l'accord de la ville. Mais certains propriétaires passent outre. Jean-Pierre Hupkens, échevin à l'urbanisme de la ville de Liège. Je suis évidemment pas en mesure de vous garantir que tous les propriétaires introduisent bien un permis de location. Il y en a très certainement qui ne le font pas, soit par ignorance ou pour tout autre motif qui leur appartient. Ces propriétaires risquent des sanctions financières notamment, ce qui selon les autorités communale contribuerait à améliorer la qualité du logement étudiant. La situation est incontestablement en train de s'améliorer pour ce qui est du confort, mais il reste du logement étudiant de mauvaise qualité, soit en termes de superficie, soit en termes de confort. Le problème, il reste très difficile de repérer les propriétaires de logements pas aux normes ou même insalubres. Souvent, c'est le signalement d'un voisin ou du locataire lui-même qui permet d'alerter les services municipaux. L'actualité internationale avec les gardes-côtes italiens qui se préparent à nouveau à secourir des milliers de migrants aujourd'hui. Depuis deux jours, ils sont très sollicités. Ils ont secouru plus de 1000 réfugiés dimanche au large de la Libye. Hier, 6500, un triste record. Daniel Fontaine, qui sont ces migrants et pourquoi sont-ils tout d'un coup aussi nombreux à prendre la mer vers l'Europe ? Alors c'est vrai que le mois d'août en Méditerranée avait été jusqu'ici un peu plus calme que l'année passée. Les départs semblent en fait se concentrer sur des périodes plus courtes. Les gardes-côtes ont pour la première fois coordonné cette année plus de 30 opérations de secours en une journée. Hier, il y en a eu 40, avec donc 6500 personnes sauvées. Une explication de ces départs massifs depuis les côtes libyennes, eh bien, c'est la météo. Les passeurs envoient leurs embarcations de fortune lorsque la mer est calme et qu'un vent du sud les pousse vers les eaux internationales. La plupart des passagers viennent d'Afrique. Ils fuient la guerre, la dictature et la pauvreté. Une flottille militaire et humanitaire est déployée pour les secourir. Une organisation espagnole a diffusé hier des images de 700 migrants entassés sur un bateau de pêche, parmi eux de nombreux bébés et des enfants. Mais les sauveteurs n'arrivent pas toujours à temps. Plus de 3000 migrants sont déjà morts en mer Méditerranée cette année. Merci Daniel pour ces explications. Nouvelle journée de deuil national en Italie. Aujourd'hui, les funérailles de nombreuses victimes du tremblement de terre sont organisées à Amatrice, la ville la plus touchée. Le séisme de la semaine dernière a fait près de 300 morts. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP, a sérieusement du plomb dans l'aile. La France va demander l'arrêt des négociations le mois prochain. Le week-end dernier, le ministre allemand de l'économie a déjà déclaré que pour lui, les négociations sont terminées. L'heure de la douloureuse pour Apple, c'est aujourd'hui que la Commission européenne rend sa décision à propos des arrangements fiscaux entre la marque à la pomme et l'Irlande. Apple risque une amende de plusieurs milliards d'euros. Deuxième entraînement ce mardi pour les Diables Rouges. Les Belges affrontent l'Espagne jeudi en match amical. Hier, ils se sont retrouvés pour la première fois avec leur nouvel entraîneur Roberto Martinez et son adjoint Thierry Henry. L'ancien attaquant champion du monde avec la France a fasciné la plupart des Diables alors qu'ils étaient encore des footballeurs en herbe. C'est le cas de Thorgan Hazard. C'est impressionnant. Quand on était petit, c'est vrai qu'on a regardé, on a tous regardé ces matchs. On était fans. Il y a beaucoup de monde qui attend de pouvoir apprendre, comme je l'ai dit, car il a fait de très belles choses. Comme je l'ai dit, on va bien travailler avec lui. On a beaucoup de choses à apprendre. Moi aussi, ça va me faire du bien si j'ai l'occasion de travailler devant le but. Bon, pour le moment, ça va. J'ai marqué quelques buts, mais sinon, j'ai envie de travailler. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut apporter, vous pensez ? Sa qualité de finition, sa tranquillité. Aussi devant le but. Et j'espère qu'il va apprendre sa spéciale un peu à tout le monde et à moi aussi. Morgan Hazard au micro de Pierre Capard. Les Diables s'entraîneront à nouveau aujourd'hui à 11h du côté de Nerpen. En tennis, trois Belges sont attendus sur les courts de l'US Open aujourd'hui. David Goffin affronte le jeune Américain Jared Donaldson, issu des qualifications. Kirsten Flipken sera opposée à la Roumaine Simona Halep, cinquième joueuse mondiale. Et Janina Wickmeyer affrontera l'Allemande Julia George. Hier, Steve Darcy s'est qualifié pour le deuxième tour en 5-7. Il affrontera John Isner au prochain tour. Élimination par contre d'Elise Mertens et d'Alison Van RTBF Mobile Info, Stéphane Piedboeuf et quelques ralentissements sur la E42 ce matin. Et oui, qui relie Mons à Tournai, et ce sont des travaux qui ralentissent les automobilistes. Vous êtes peut-être concernés, c'est précisément entre Tournai-Vaux et Quin, 7 km de file avec 45 minutes de retard en direction de Tournai. Pour rejoindre la capitale ce matin, c'est très compliqué sur l'E40 qui vient de Gand. La circulation s'effectue en accordéon entre Herpomer et Affligem, et c'est 40 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Toujours 25 minutes supplémentaires sur l'E411 en venant de Namur entre Overijse et Léonard, et ajouter une bonne dizaine de minutes sur l'E40 en venant de Liège, ainsi que sur l'E19 en venant d'Anvers. Sur le ring, on perd toujours une demi-heure entre Ytres et le carrefour Léonard en circulation extérieure. Et pour ce qui est de la circulation intérieure du ring, là où on perd le plus de temps, c'est entre Grand Bigard et Zaventem, plus 20 minutes des ralentissements dans Bruxelles qui concernent essentiellement le tunnel Léopold 2 jusqu'au tunnel Arlois en direction du Midi. Vous êtes ralenti également dans la boucle du tunnel Louise et entre les tunnels Porte de Halle et Louise vers la Basilique. Et puis je vous rappelle cet accident sur le 314 Maasmechelen-Louvain à hauteur d'Outalen. La bande de droite est neutralisée, 8 km de file et là aussi c'est 40 minutes supplémentaires en direction de Louvain. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé. Le décor a un peu changé, mais pas lui, Benjamin Maréchal, c'est vous qui le dites. Ah ouais, le studio que vous voyez tous les jours à la télévision est un peu malade ce matin. Il va falloir le réparer fameusement, un coup de marteau et de tournevis, donc on a déménagé. Mais le principe est exactement le même. Vous êtes les bienvenus. Sébastien, bonne journée. Bon, il est 9h10, un matin où il faut trouver ses marques génériques. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table donc, et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici s'est enfouie avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? L'affaire fait grand bruit en Flandre. Le 8 août dernier, la police débarque au domicile d'une famille et l'arrête. On place ces gens en centre ouvert à Zult en attendant l'expulsion. Mais samedi, Jelza, 16 ans, et son papa se sont enfouis en laissant leurs affaires et leur GSM pour éviter d'être localisés. Ils ont tout abandonné. La famille a fui le Kosovo en guerre il y a 22 ans, passage en Allemagne puis en Belgique. Cette jeune fille de 16 ans a fait toute sa vie ici. Elle a appris le néerlandais à Malines. Elle se projetait dans une carrière d'infirmière avec des études d'infirmière. La jeune fille a expliqué longuement, notamment dans son journal privé et personnel, qu'elle n'avait jamais mis les pieds au Kosovo, ne connaissait ni la langue, ni la mentalité, ni les traditions. Et la Flandre s'émeut car cette jeune femme a préféré fuir que l'expulsion dans un pays qui n'est pas le sien. C'est la question pour vous ce matin. Alors qu'on devait l'expulser, ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici, s'est enfuie avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? Le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait dézinguer de partout. Vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible? C'est donc la semaine des rentrées politiques et chacun se positionne. Le gouvernement a une certaine idée de la flexibilité du travail. Eh bien, contre-pied total, le PS, par la voix d'Elio Di Rupo, estime que le sens de l'histoire, je cite, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers la semaine des 4 jours de travail sans perte de salaire. C'est peu de dire que le PS s'est fait tirer dessus de partout. Le MR David Clarinval estime que le PS rêve éveillé. Le NVA Théo Franken dit que le PS organise les soldes d'été. Et même le CDH, qui pourtant est dans la majorité avec les socialistes à la région, se méfie. On retiendra la citation de Catherine Fonck. Le PS fait miroiter une illusion aux citoyens. Quelle est la défense d'Elio Di Rupo? Eh bien, elle dit que quand on a donné des congés payés aux travailleurs en 1936, les patrons ont crié à la fin de l'économie. Or, ça n'a jamais été la fin. La question pour vous ce matin. Le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait dézinguer de partout. Est-ce que vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible? Et puis au 070-233-466, Écolo dénonce. Il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités affirment qu'il n'y en a que 15,8 par classe. C'est quoi la vraie réalité? Écolo a donc profité des vacances pour sonder les instituteurs et les confronter aux statistiques officielles. La moyenne, d'après la Fédération Wallonie-Bruxelles, est de 15,8 enfants par classe. C'est un mensonge, ce serait un mensonge, puisque plus de 81% des sondés ont des classes de 20 élèves ou plus. On trouve même parfois des classes à 30 élèves avec un seul instituteur et des classes à 40, si pas 46 enfants. Surpeuplé, alors que l'accueil des tout-petits garantit l'égalité, le plaisir de venir à l'école et une meilleure réussite, affirme Écolo, sans oublier les experts qui s'inquiètent aussi de la mauvaise qualité d'accompagnement. Quel fossé entre la crèche, où 7 enfants ont une péricultrice rien que pour eux, et l'école maternelle. Question pour vous, Écolo dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle, or les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 par classe. C'est quoi la réalité? Le standard est ouvert, Zoé Boss. Oui, nous ne sommes pas dans le même studio, mais normalement, vous me voyez quand même, Benjamin, à côté de moi, une voix que vous connaissez, c'est celle de Marion Jomotte. Elle décroche le téléphone au 070-233-466 et livre au SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. Une jeune fille renvoyée au Kosovo prend la fuite, des semaines de travail de 4 jours et des maternelles surchargées. Le débat, c'est vous qui le faites. Alexis Carantonis, journaliste à la dernière heure, et Isabella Lénard, de fondatrice de Jump, une organisation pour l'égalité homme-femme au travail, nous ont rejoints pour faire le débat et sont maintenant à vos côtés, Benjamin. Isabella et Alexis, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes côte à côte et nous sommes donc face à face. Premier débat sur la table, cette histoire qui émeut la Flandre, une famille et surtout une jeune fille kosovare de 16 ans qui n'a jamais connu le Kosovo, expulsée par la Belgique. Eh bien, samedi, alors qu'elle était dans un centre en train d'attendre l'expulsion d'aujourd'hui, elle a préféré fuir, s'enfuir. Isabella, est-ce que cette jeune femme a eu raison avec son papa de s'enfuir? Et vous voyez ce que ça veut dire en matière de clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? C'est terrible pour elle qui est née ici, puisque ses parents sont arrivés il y a 22 ans, elle en a 16, hein, elle a 16 ans. C'est terrible pour cette jeune femme de se voir expulsée de son pays. Je comprends qu'elle parte parce que cela veut dire qu'elle a épuisé tous les recours possibles et imaginables. C'était son seul choix. Et qu'elle n'a plus confiance. Si elle n'a plus confiance dans le système, si elle pense qu'effectivement elle va être expulsée, je pense que j'aurais fait la même chose plutôt que d'aller dans un pays où finalement je n'ai aucune racine, aucune connaissance. Alexis, est-ce qu'on a affaire à une fugitive, à une criminelle? Parce qu'il faut maintenant ajouter la voix de Théo Franken qui dit « Cette famille a ignoré 8 avis d'expulsion depuis 2003. » Et donc effectivement, on vient aller chercher à la maison le 8 août, mais il y a eu 8 avis d'expulsion. Est-ce que cette jeune femme est une fugitive, une criminelle? Aux yeux de la loi, elle est évidemment une fugitive. D'un point de vue moral, évidemment, la situation est tout autre. Elle est en fait la victime d'une situation tout à fait problématique. Elle est la victime de l'attitude sans doute de ses parents aussi. Il y a quand même eu plusieurs ordres de quitter le territoire. Ah, c'est ce que dit Theo Franken, voilà. Hein, c'est une mineure qui est victime de ses parents. On connaît la difficulté de notre système à faire appliquer les ordres de quitter le territoire, les fameux OQT. Ben voilà, on en a une nouvelle démonstration et elle est effectivement une victime collatérale tout à fait... Elle n'a rien demandé, cette gamine, elle n'a rien demandé, elle est née ici, elle est chez elle. Et effectivement, psychologiquement, elle doit se sentir rejetée par un pays qu'elle pensait sien, ça doit être très difficile à vivre. Est-ce que Théo Franken, Isabella a raison? Voilà une famille qui 8 fois a ignoré, 2003 c'est pas hier, c'est 2003, et citation de Théo Franken, il est regrettable que l'enfant mineur soit victime du comportement irresponsable de ses parents. Je pense que c'est quand même un peu... Ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait des personnes sur notre territoire. C'est peut-être un peu court comme analyse, mais comme cet imam de Dizon qui est toujours là, et que des gens qui sont intégrés, qui travaillent et qui ont un enfant à qui on demande de retourner dans un pays qu'elle ne connaît pas. Est-ce qu'on ne regarderait pas également la situation personnelle? Même si c'est vrai que c'est difficile, il faut des règles qui sont applicables à tout le monde, etc. Mais il y a quand même de l'humanité. Il faudrait qu'il y ait de l'humanité dans l'analyse des dossiers. Je me rends compte que ce que je dis est compliqué à mettre en place, hein, et peut-être la porte ouverte à des abus. Mais en attendant, c'est la Belgique. Eux perdent au niveau individuel, mais la Belgique perd aussi. On perd une infirmière. On perd des forces vives, on perd des gens qui partagent nos valeurs, qui ont envie de faire avancer ce pays, et ça, c'est vraiment dommage. On demande un avis au 070-233-466 à Gère. Roger, bonjour. Roger, bonjour, et vous êtes en ligne dans la région liégeoise. Oui, c'est ça. Roger, bienvenue. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici s'est enfuie avec son papa. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir, cette jeune fille? Mais je ne sais pas si elle a le choix. Si elle ne s'enfuit pas, on va la prendre, la mettre dans une maison en attendant son transfert dans son pays. Et ça, je suis un peu comme la dame qui vient de parler avant moi. Mais qu'est-ce qui attend cette jeune fille? Que ici, les gens qui s'adaptent à notre société, on les expulse. Et il y en a qui ne s'adaptent en rien et ils ne sont pas expulsés. Et je prendrai comme exemple le monsieur de Verviers, là, que son fils vient encore faire. L'imam de Dizon. Roger, cette fille, vous l'imaginez quoi? Dans une vie de clandestinité maintenant, changeant de logement régulièrement, n'ayant plus de papier, étant en marge? Est-ce qu'elle a le choix? Si on la trouve, on va l'arrêter. Alors là, c'est pas logique. Mais Théo Franken vous dit, monsieur, on a expulsé cette famille 8 fois. Depuis 2003, elle pouvait prendre des précautions ou s'organiser. 8 fois. Oui, mais enfin, ou alors il fallait tout de suite l'expulser et ne pas traîner comme ça. La Belgique, c'est un pays comme ça. Et il fait des dossiers, il traîne, et puis c'est après un certain nombre d'années qu'on expulse les gens. Quoi. Je termine autour de la table, Roger, en attendant peut-être une conversation plus longue tout à l'heure. Alexis, cette fille va vivre dans la clandestinité, dans l'ombre, se contentant de travail au noir, sans sécurité sociale, ou il y a une autre partie possible? C'est malheureusement une possibilité. L'autre partie, c'est de quitter notre pays. Donc finalement, quelque part, elle aura perdu aussi. Juste un mot, attention au parallèle. Il est tentant avec l'imam de Dizon notamment, mais en immigration plus que partout ailleurs, un dossier n'est vraiment pas l'autre et il ne faut pas relier des affaires qui ne sont pas... Oui, d'autant que dans le cas de l'imam de Dijon, il y a aussi des propos et des incitations absolument qui sont avérées ou suspectées. Vous pensez que cette fille a une chance de revenir un jour en Belgique légalement ou c'est mort, Isabella? Dernier mot rapide. Non, moi je pense qu'elle a des possibilités. Elle veut devenir infirmière. Infirmière, on sait que c'est un métier en pénurie. On va aller chercher en Pologne, on va aller chercher en Roumanie. Donc, pourquoi pas une Kosovare? Je pense que ça, c'est vraiment un bon plan pour elle. Je vous rappelle juste qu'il y a quand même pas mal de familles de Kosovars ces derniers mois, ces dernières années, pour lesquelles des villages entiers, des quartiers entiers se sont mobilisés. C'était vrai à Ytre, c'est vrai pour la fameuse pizzeria à chaussée de Waterloo. Tous ces gens sont parvenus à rester et donc quelque part, il y a de l'espoir. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici s'est enfouie avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? C'est à vous de vous prononcer. Dans un instant, le deuxième débat sur la table, le PS qui veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Est-ce que c'est crédible? Vous le direz. Ensuite, Écolo qui dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Combien dans la classe de vos enfants l'an dernier? Et puis 10h45, la question qui dérange. À Thouin, la directrice du fondamental de l'Athénée Royal pratique la tuicté, des dictées de 140 caractères maximum corrigées par des élèves du Togo. Est-ce que ça nivelle pas par le bas? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. En télé sur la Une. Elle est sortie de ce sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blindspot, les 3 premiers épisodes, ce mardi sur la Une. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Viva Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. On commente avec vous, bien sûr, avec Isabelle Lénard-Douzzi, le forum Jump, et avec Alexis Carantonis, la dernière heure, les sports. Deuxième débat donc sur la table, le PS qui veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, le PS s'est fait dézinguer de partout. On fait les soldes d'été, on fait miroiter quelques illusions aux citoyens, on ment, on a tout entendu. Sauf que le Diropo dit, c'est ça le sens de l'histoire. D'abord sur le principe, puis après on parlera sous si vous le voulez. Alexis, est-ce que c'est ça le sens de l'histoire? On travaille moins, mais on touche le même salaire. Semaine des 4 jours à salaire égal. Alors, je ne sais pas si c'est le sens de l'histoire, mais en tout cas, l'histoire récente nous prouve qu'on va plutôt dans l'autre sens. Donc, travailler autant pour gagner, travailler moins pour gagner autant, pour l'instant, ce n'était pas vraiment un slogan qu'on a beaucoup entendu. Au contraire, les 45 heures, la loi Peters, etc., nous montrent qu'on va justement devoir travailler plus, et sans doute plus longtemps aussi. Donc, ce n'est pas tellement le sens de l'histoire. Alors, est-ce qu'il y aura une inversion du sens de l'histoire? Je ne demande pas mieux, mais je ne demande pas mieux qu'on me le démontre. Or là, Elio Di Rupo a lancé ça un petit peu pour faire sa rentrée politique. Les idées suivront. On présentera ça plus en détail. Oui, pour les détails financiers, il a dit on verra dans quelques mois, voilà, dans les mois qui viennent. Ouais. Cette démarche est vraiment problématique en politique. On ne fait pas ça, on ne lance pas comme ça une grande idée sur la table en disant et pour la démonstration, revenez un petit peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de clientélisme. Ceci dit, à mon avis, l'idée n'est pas totalement bonne à jeter aux oubliettes. Mais... même si elle peut sembler un petit peu ridicule, elle a été testée dans certains pays. Elle fonctionne mieux que ce qu'on ne pense, à condition de prévoir les mécanismes pour vraiment l'amortir. Pas à jeter aux oubliettes parce que l'idée est bonne, mais est-ce que c'est crédible, Isabella? En tant que chef d'entreprise, est-ce qu'on peut se projeter dans un demain où mes salariés travailleront plus que 4 jours à salaire égal? Est-ce que c'est crédible? J'aime beaucoup ce genre de débat parce que ça a l'air d'être tellement simple. On est pour, on est contre et en fait, c'est d'une complexité énorme. Parce que ce que dit Elio Di Rupo, que c'était le sens de l'histoire parce qu'en 36, etc., etc. Mais on n'est plus du tout... Du tout dans le même type d'environnement. Avant, on était les rois du monde. L'Europe, c'était un empire avec ses colonies. La Belgique, dans cet empire, était parmi les locomotives. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, on est en concurrence avec le monde entier. Alors, moi, je veux bien avoir un vrai débat sur la réduction du temps de travail. Et pourquoi pas? Mais alors, dans un environnement où on reparle de la... Est-ce qu'il faut toujours de la croissance? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas de la stagnation, voire de la décroissance? Et alors, ça voudrait dire diminuer son temps de travail, mais aussi, pourquoi pas, diminuer ses revenus. Parce qu'à un moment donné, il faudra quand même bien produire la même chose. Donc, les entreprises vont devoir pallier, et c'est à ça que ça sert, c'est à engager de nouvelles personnes. Et donc, il faudra quand même bien trouver des sous pour les payer, ces gens. Ah ben alors, attendez, soyez de bon compte. Donc, quand on parle des sous, il ne dure pas dit, on verra dans les mois qui viennent, mais il a quand même ajouté qu'il y avait des grosses entreprises mondiales qui avaient des bénéfices plantureux, sous-entendu. Du Alexis, ces entreprises-là feraient ou devraient ou pourraient faire un geste. Mm-hmm. C'est crédible, ça? Sous-entendu bis, ces entreprises qui ne payent pas d'impôts. Voilà. Donc, ça fait aussi beaucoup de sous-entendus, mais ça veut dire qu'il y a des entreprises qui seraient prêtes à jouer le jeu, vous y croyez? C'est pas impossible. Il faut voir le cadre. Je veux dire, ça pourrait être envisageable. Que ça permettrait de mettre plus de monde à l'emploi, donc d'avoir moins de monde au chômage, tout en conservant la qualité de vie des travailleurs, on travaillerait un peu moins pour le même salaire. La question, c'est où l'État et les entreprises y trouvent leur compte. Il faudrait que les cotisations patronales soient revues à la baisse, voire supprimées pour ces nouveaux emplois-là. Donc c'est tout un système à penser. Ça semble difficile à financer comme ça du premier abord, mais voilà, je ne suis pas économiste. Je ne demande pas mieux qu'on me démontre que la chose est possible. Vous voyez, l'allocation universelle, c'est un débat un peu similaire, on en a beaucoup parlé. Ça vient de se faire en Finlande, donc pourquoi pas, même si ça semble un petit peu utopiste vu d'ici. On va demander un avis à un patron à Sivrirance. Maurice, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes patron dans quel secteur? Le secteur de l'Horeca. Alors, l'EPS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait des zinguettes partout. Est-ce que vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible, Maurice? Mais disons que pour le bien-être des ouvriers, ça peut être crédible, ça c'est certainement. Et je suis toujours pour le bien-être de mes ouvriers, ça y a aucun souci à ce niveau-là. Ce que je reproche un peu dans ce débat et dans cette histoire, et c'est ce que vient de débattre vos invités autour de la table, c'est qui va financer ça? Alors étant, je veux dire, une petite entreprise, vous avez une idée, avec 5 ouvriers, je ne vois pas pourquoi je devrais encore engager et engendrer des frais qui sont énormes au niveau du personnel pour du bien-être. Pour le bien-être, d'accord, mais alors que l'État intervienne, qu'on trouve le moyen de financer ces heures de travail en moins, mais à salaire égal. J'applique à vous la phrase qui a été lancée aux grandes entreprises mondiales. Maurice, comme vous faites des bénéfices plantureux dans ce nouveau modèle de société qui est donc le sens de l'histoire, eh ben renoncez à une part de vos bénéfices pour redistribuer, Maurice. Écoutez, Benjamin, je suis convaincu que de toute manière, mes ouvriers peuvent prendre l'appel s'ils voulaient ou quoi, mais je suis pour le partage, dans le sens où je gagne plus, ils gagnent plus. Je gagne moins, ils gagnent moins. Mais à partir du moment où je devrais, moi, fournir des efforts pour le bien-être et que je n'aurai pas de retour, au contraire, j'aurai mes poches qui se videront, alors là, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour que si l'État nous donne des aides pour compenser, il n'y a aucun souci. Ah mais pour l'instant, on n'a pas les mécanismes d'aide et on ne les aura pas avant dans quelques mois. Il n'y a aucun économiste qui se mouille pour l'instant. Maurice, avec l'apport du patron que vous êtes, alors résumons-nous sur les charges envoyées en face. Est-ce que le MR, Alexis, a raison quand il dit le PS rêve éveillé? Ou encore, le PS fait miroiter une illusion aux citoyens, dit le CDH. Alors, est-ce que ces répliques-là sont correctes? Là, on est dans le jeu politico-politicien, évidemment. Le PS est à sa place, le MR est à la sienne. Encore une fois, ça manque d'arguments de fond. Et ce serait bien de débattre sur le fond et sur les procédés, sur des idées qui peuvent changer nos modes de vie, qui peuvent sembler difficiles à réaliser. Mais voilà, Elio Di Rupo n'a pas tout à fait tort. À l'époque, l'instauration des congés payés était une révolution aussi. Aujourd'hui, c'est un droit acquis et qui plaît à tout le monde donc, et qui ne pose problème à personne. Ah, il a dit quand on a donné des congés payés aux travailleurs en 36, les patrons ont créé la fin de l'économie. Or, ça n'a jamais été la fin. Isabella, vous, à titre personnel, on en restera là sur ce débat. Semaine de 4 jours à salaire égal, ça vous tente?

parce que mes enfants qui ont l'âge d'être en maternelle sont à Bruxelles et je ne connais aucune classe de 15 élèves en maternelle à Bruxelles. On est à combien plus ou moins? Écoutez, mon plus grand il rentre en 3e maternelle, ça a oscillé entre 25 et 30, 32, donc on est plutôt dans ces eaux-là. Je précise qu'il y a souvent... à partir d'un certain nombre d'élèves, il y a deux personnes qui sont là pour l'encadrement des petits élèves. Il y a des normes, hein, ouais. Il y a des normes, heureusement. Et effectivement, c'est affolant parce que ces petits-là découvrent un monde qui vont les accompagner pendant 20 ans au moins. Un monde important, un monde où il est crucial de réussir son entrée en matière. Et lorsqu'on laisse des tout petits bouts de chou comme ça livrés à eux-mêmes, c'est pas forcément le cas dans l'école où j'ai, dans les écoles que mes enfants fréquentent, hein, mais voilà, je sais que ça existe. C'est particulièrement compliqué. Et je pense qu'il faut aider les enseignants qui sont au moins aussi dépités que les parents dans ces situations-là. Alors, je prends vos chiffres. Isabella, est-ce que c'est un drame total? Donc, on dit que l'enfant, quand il est à la crèche, 7 enfants pour une péricultrice, c'est la norme d'encadrement, 7 enfants pour une péricultrice, et puis il arrive à l'école maternelle où il est dans un groupe de 32 dans le cas d'Alexis, et il a un personnel et demi. Est-ce que c'est un vrai drame pour l'enfant? Je pense que ça peut être un vrai drame pour certains enfants qui ont besoin d'être peut-être plus accompagnés, à qui on doit absolument déceler des problèmes d'apprentissage le plus tôt possible pour qu'il y ait de la rémédiation, pour que cet enfant ait toutes les chances de réussir par après. Oui, ça peut être un véritable drame. Ce passage est crucial. Comme le dit Alexis, les petits, pour eux, c'est fondamental. C'est quand est-ce que je vais devenir grand? Quand est-ce que je vais à la grande école? La grande école, pour eux, ben voilà, c'est l'école, c'est la maternelle. C'est un moment fondamental pour le plaisir d'apprendre, pour la sociabilité avec les autres. Ah, c'est ce que dit Colo. Si on est trop nombreux dans la classe, le plaisir d'apprendre s'en ressent, l'enfant n'est pas bien. Mais bien, mais évidemment, il faudrait vraiment un réinvestissement conséquent dans les maternelles. On sait dans toutes les études que quand on a eu une bonne expérience en maternelle, on a beaucoup plus de chances de réussite par après et on aime plus l'école. C'est quand même fondamental. Vous me direz, Alexis, quel est votre nombre parfait dans une classe de maternelle? On va d'abord demander un avis à Timister. Jean-Paul est en ligne. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre profession? Je suis instituteur maternel. Eh bien, Écolo dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 par classe. Dans votre classe l'an dernier, combien d'élèves? Quel est le chiffre correct? 24. On a 6 classes à l'école, il y a 24 élèves par classe. Mais vous êtes une exception. Partout ailleurs, ils sont à 15,8. C'est possible? Non, c'est tout à fait faux. En fait, le calcul du gouvernement, je pense qu'ils prennent le nombre d'enseignants global et ils le divisent par le nombre d'élèves. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui sont détachés pour faire des formations, pour faire 36 choses, que sais-je. Et avec ça, ces enseignants-là n'enseignent pas devant les enfants. Donc le chiffre du gouvernement est totalement faux. Mais 24, il y a péril en la demeure, c'est criminel ou vous gérez cette classe de main de maître? On ne gère pas cette classe-là de main de maître. Maintenant, tout dépend du milieu dans lequel on se trouve. Comme ceci, moi, je suis dans un milieu relativement défavorisé en centre-ville. Et il y a énormément d'élèves qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas acquis de certaines bases, qui arrivent seulement en troisième maternelle, donc ils n'ont pas eu la première et la deuxième maternelle. Donc il y a énormément de difficultés à gérer ces enfants-là. Oui, alors, je vous donne la norme de la crèche. Vous rêvez de quoi, Jean-Paul? D'être dans une classe où il y a 7 enfants, point, ou ça, c'est déraisonnable? Ça, c'est déraisonnable. Non, moi, je pense qu'entre 16 et 20, ce serait très bien. Et 4 en plus, ça change fondamentalement tout. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Et quand des fois on passe à 25, ou 26, ou 27, c'est rien qu'un élève de plus, ça change tout. Oui, mais à 26, vous avez un demi-emploi qui vient vous aider. Il y a un demi-temps plein qui vient vous aider, correct? Non, pas à partir de 26. Il faut faire le total global de toute l'école. Et ça, c'est ça qui donne le nombre d'emplois. Il y a des classes à 46 enfants, vous avez déjà entendu ça? Oui, bien sûr. Nous autres, quand on arrive en fin d'année en classe d'accueil, il y a 46 enfants, mais à ce moment-là, alors, il y a un emploi supplémentaire et une puéricultrice. Mais les puéricultrices, de nouveau, il n'y en a pas dans toutes les écoles. Donc vous avez croisé, vrai constat de terrain, des classes à 46, alors que la moyenne est de 15,8. Alexis, alors que je dis merci à Jean-Paul et je vous souhaite une bonne rentrée, Alexis, votre nombre idéal, parce qu'il faut en même temps penser aussi à budgétisation, donc il faut être dans quelque chose de crédible. Mais moi je pense qu'une vingtaine d'élèves, ce serait déjà parfait, avec peut-être une réflexion particulière sur la première maternelle, où les enfants qui arrivent sont âgés de 2-3 ans, certains pas toujours propres, certains beaucoup plus pleurnichards forcément, parce qu'ils arrivent dans un nouveau monde. Peut-être que pour cette classe-là, une attention particulière serait pas mal, donc un deuxième enseignant, ou alors un nombre encore revu revu à la baisse. Malheureusement, c'est à mon avis de l'utopie. Et il faut préciser que ce problème est essentiellement bruxellois aussi. Et c'est ça qui fait en sorte que le chiffre moyen est aussi flatteur. Si on se concentrait uniquement sur Bruxelles, je pense qu'il y a quelques parents qui auraient des frayeurs. Ah bah attention, parce que Jean-Paul était à Timistère. Il a croisé des nombres pareils. Dernière chose rapidement, Isabella. On ne peut pas faire confiance à ces courageux instituteurs qui savent gérer 25, 30, 35. Faites pas confiance à leur capacité à gérer ? C'est pas du tout une question de faire confiance ou pas. Je pense qu'à un moment... C'était formidable ce témoignage de Jean-Paul. Bravo vraiment à tous ces enseignants qui se dédient corps et âme, surtout pour des tout-petits. C'est tellement compliqué et c'est tellement essentiel. En plus du paramètre qu'Alexis a dit, c'est mettre peut-être, s'il faut mettre l'accent quelque part, si jamais il faut faire des choix. J'aimerais que toute l'école maternelle soit réinvestie, mais s'il faut faire des choix, peut-être effectivement sur la première maternelle et peut-être aussi un autre paramètre de choix sur les écoles qui sont dans des environnements plus compliqués, où effectivement la langue française n'est pas acquise, où effectivement on a des difficultés sociales et culturelles au sein des familles. Je pense que, voilà, c'est, là encore une fois, c'est mettre de l'humanité et du bon sens dans les choix. Vous vous souvenez à combien vous étiez en classe maternelle à l'époque, Alexis ? Il y a trop longtemps. Ouais. Je ne me souviens pas, mais on n'était pas autant. Honnêtement, c'était moins qu'aujourd'hui. Mais d'un côté, le nombre crée aussi chez l'enfant peut-être une débrouillardise plus aiguisée. Donc il y a pas ou une peur. Hein, tout dépend de l'enfant. Tout dépend de l'enfant et c'est un peu la loi de la jungle. Mais ouais, c'est les plus débrouillards qui vont s'en sortir et c'est peut-être pas non plus le système qu'on veut. Alors vous nous direz si le struggle for life vous convient bien. Ils étaient deux dans la classe ce matin. Isabella Lénard-Douzzi, Alexis Carantonis. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici s'est enfouie avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir ? Le PS qui veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait dézinguer de partout. Est-ce que vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible ? Et puis Écolo qui dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 par classe. C'est quoi la réalité ? 070-233-466, SMS au 3063. Neder-Overembeck en ligne. Tania, bonjour. Bonjour Benjamin. Une jeune fille de 16 ans fait toute sa vie ici. Le 8 août, la police débarque, on arrête tout le monde, on les met en centre ouvert. Et samedi, cette jeune fille s'est enfouie. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir ? Oui, malheureusement, oui. Je crois que c'était son ultime recours, je pense. Ça n'a pas été une facilité, je pense, pour elle de s'enfuir. Oh, mais elle s'enfuit et donc elle fait un pied de nez à la loi, à la décision de la Belgique, à la 8e décision d'expulsion. C'est hors la loi, ça, non ? Je ne sais pas si c'est hors la loi. Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient en défaut de justice ou ça, je ne sais pas. Elle aurait dû être expulsée aujourd'hui, normalement. Elle a reçu les papiers, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas la situation exacte, mais moi, je me mets à la place de cette jeune fille qui a 16 ans. Bon, j'ai deux garçons du même âge. Je me mets à leur place. C'est inhumain. Votre sensation, parce qu'elle devait être expulsée aujourd'hui, et donc elle a bien dit à la presse flamande, et elle a dit aussi dans son journal intime, moi je connais pas la langue, je connais pas la mentalité, je connais pas les traditions du Kosovo. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer de redémarrer, ne fût-ce que quelques mois au Kosovo ? Est-ce que c'était impensable ? Je crois, à mon avis, que c'est impensable. Moi, je suis originaire de l'ex-Yougoslavie. Bon, je ne sais pas de quelle communauté elle fait partie, ça je ne veux pas savoir. Ça, c'est pas... Mais la guerre est finie là-bas. La guerre au Kosovo est finie. Mais les conditions là-bas, monsieur Benjamin, mais c'est impensable de faire des études là-bas pour le moment. C'est pas possible. Comment est-ce que cette jeune fille, elle ne connaît pas la langue, je ne connais pas la langue non plus. Moi, je devrais envoyer mes enfants en ex-Yougoslavie, mais ils sont totalement perdus, ils arrivent sur une autre planète. À qui il faut en vouloir ? Parce que Théo Franken dit, c'est la faute des parents, hein. Il est regrettable que l'enfant mineur soit victime du comportement irresponsable des parents qui ont ignoré 8 avis d'expulsion. Je ne sais pas s'ils ont bien reçu les courriers, peut-être qu'ils ont fait suite au courrier, peut-être un peu tard. Est-ce qu'ils ont été mal conseillés ? Je ne sais pas. Ah, je retiens la piste du courrier pas reçu, mais depuis 2003, la Poste aurait alors mal travaillé, les autorités aussi. Je laisse le point d'interrogation donc, sur ces problèmes de procédure. Tania, elle a bien fait de s'enfuir, cette jeune fille de 16 ans qui est ce matin dans la nature. RTBF Mobile Info, Stéphane. Et on part dans le Hainaut sur le 42 Mons-Tournay entre Tournay, Vaux et Quin. 7 km de ralentissement en raison de travaux. 30 minutes de retard en direction de Tournay. Pour rejoindre Bruxelles, ajoutez 20 minutes sur le 411 en venant de Namur entre Overijse et Hermann de Brou. 20 minutes supplémentaires également sur le 40 qui vient de Gand à hauteur d'Alost. Sur les autres axes qui convergent vers Bruxelles, on perd désormais moins de 10 minutes. Sur le ring, c'est toujours 23 minutes supplémentaires entre Ittre et le Carrefour Léonard en circulation extérieure. Pour ce qui est de la circulation intérieure, ça va mieux entre Grand Bigard et Zaventem. 10 minutes de plus, toujours des ralentissements dans les tunnels bruxellois, par exemple du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le midi, ou encore dans la boucle du tunnel Stéphanie et Centre, ainsi que dans les tunnels Porte de Halle et Louise vers la Basilique, ainsi que dans le tunnel Reyers et Loi vers le centre. Et puis toujours cet accident qui ralentit bon nombre d'automobilistes sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain hauteur d'Outalen. La bande de droite est neutralisée, 8 km de file et 40 minutes supplémentaires en direction de Louvain. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous allons à Grand-Lise. C'est Lise qui viendra nous dire si les autorités ont raison. Dans les classes de maternelle, il n'y a que 15,8 élèves, c'est tout. Cinq secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. La région de Bruxelles Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19 heures de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homogang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrombelle et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Viva, Vivacité. 070 et au 070-233-466 sur la table. Zoé, le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Est-ce que vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible, comme le dit Elodie Roupeau à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Étienne de Vaux-sur-Sûre. La semaine de 4 jours, c'est crédible, me dit-il, et c'est surtout indispensable pour le bien-être de notre société. Selon ce jeune patron, la semaine de 4 jours, c'est l'avenir. Il suffit de diminuer le salaire des employeurs, des PDG, pour répartir les richesses plus équitablement. Ainsi, les employés garderont leur salaire intact et auront plus de temps pour leur famille. Une petite action avec un grand impact sur notre économie. Les gens travailleront moins, seront plus zen, mais surtout auront plus de temps pour consommer. Pour résumer, travailler moins, c'est l'antidote parfait contre la crise, nous dit Étienne. C'est vous qui le dites à Grand-Lise, entité de Belœil. Lise, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur Écolo qui dénonce il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 par classe. En prenant l'exemple d'une de vos petites filles qui est à l'école maternelle à Belœil, combien dans la classe? Oui, eh ben, ils sont 6 pour l'instant. Donc, on est en manque de 6 élèves pour pouvoir ouvrir le 1er septembre. Ah, vous avez un nombre bas qui permettrait un bon encadrement, mais la classe ne peut pas exister? Non. sur papier. 6, ce serait le rêve, ça, ou c'est un peu peu? Non, c'est quand même peu, parce que bon, il faut quand même dire qu'ils sont encadrés, ils sont bien encadrés, ils ont une institutrice et une péricultrice. Et bon, il en faut 12 pour obtenir la dérogation. Donc s'il n'y a pas les 12, elle va où? Elle reviendra à l'école à Stambruge. Et là, elle se retrouve dans des classes qui sont en moyenne à combien d'élèves? Je ne sais pas, je ne suis pas encore allée voir, mais bon, c'est aussi une classe de maternelle unique, il n'y en a pas énormément non plus. Alors vous me donnez votre avis, 20 élèves, 25 élèves, c'est un sacrilège, les enfants sont en danger, on voit bien au hasard des SMS et des conversations que 20-25 ça correspond plus à la réalité que 15,8. C'est grave 20-25? Moi je trouve que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ici, je le vois à l'école, c'est une école familiale et ils ont l'occasion d'aller au bois, de découvrir beaucoup de choses au fil des saisons. Ils ont un potager, ils ont un poulailler et je ne pense pas qu'avec 25 élèves, on peut avoir tout ça. Mais le potager, le poulailler, c'est lié au statut rural, campagnard de l'école ou c'est vraiment lié au nombre d'élèves dans la classe? C'est un peu des deux. Et c'est un peu voulu parce que je pense que la plupart, même chez eux, ils possèdent des animaux. Et en général, ils adorent les animaux. Ils ont des poules, des lapins. Alors c'est le problème inverse chez vous. Jean-Paul, l'instituteur de tout à l'heure, l'instituteur devait gérer 24 dans sa classe. Chez vous, votre petite fille est à 6, mais ce ne sera même pas suffisant pour une classe. La vraie réalité des écoles maternelles ce matin, dans C'est vous qui le dites. Merci Lise. Nous allons à Saint-Georges-sur-Meuse maintenant. Faust, bonjour. Oui, monsieur Maréchal. Le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes se sont fait dézinguer de partout. Est-ce que vous croyez que c'est crédible? C'est non seulement crédible, mais c'est indispensable. Et c'est indispensable tout simplement parce que je pense que... C'est le sens de l'histoire. On ne peut plus vivre dans ce pays avec pratiquement 500 000 chômeurs. De plus en plus de personnes sont précarisées. Et donc, c'est pas crédible, c'est indispensable, une réduction du temps de travail, pour donc, remettre des gens au travail. Oui, mais alors, il y a un problème quand même là-dedans, c'est qu'on peut s'entendre sur le partage du temps de travail. Chacun travaille 4 jours et d'autres trouvent un emploi. Mais 4 jours à salaire égal. Travailler moins pour gagner autant. C'est un slogan que certains économistes ne comprennent pas. Mais je pense que sur ce sujet-là, il y a probablement des choses à faire pour limiter... la problématique au niveau des employeurs, parce qu'il faut se mettre aussi à la place des employeurs, je pense. Ils vont renoncer à leurs bénéfices? Pardon? Ils vont renoncer à leurs bénéfices pour financer ça? Non, je pense que l'État a un rôle majeur à jouer sur ce sujet-là. Hein? Et pourquoi alors le CDH? J'en veux pour preuve, M. Maréchal, on va se ramener pratiquement 20 ans en arrière. Hein? À l'époque, dans le Coqueril-Sambre de l'époque, les employés de Coqueril-Sambre, qui y avait donc les deux bassins de Liège et de Charleroi, nous avons négocié une réduction du temps de travail de 37 heures semaine à 34 heures semaine à l'époque, donc il y a pratiquement 20 ans. C'était le 1er janvier 1999. Mais il y a eu une intervention d'État ou c'est l'entreprise qui a tout financé? Non. Donc on a diminué le temps de travail de 9%. Les salaires bruts de tous les employés ont été diminués de 9%. Mais on a comblé la majorité de la perte salariale avec des aides fédérales et des aides régionales. Et les aides fédérales, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les aides Van de la Note. Ah ben c'est là qu'on n'y est pas, pour tout vous dire, Faust. Parce que quand on demande au PS quelle est l'aide ou le plan de financement, eh bien le PS dit « on verra dans les mois qui viennent ». Réponse d'Elodie Roupeau hier sur Bel RTL, pour tout vous dire, mot à mot ce qu'il a répété. Faust, c'est indispensable, c'est le sens de l'histoire, me dites-vous. Dans un instant, juste après la pause, nous irons à Gilly, c'est là que nous attend Angélique, pour commenter l'histoire de cette jeune Kosovare de 16 ans qui ce matin est dans la nature, on devait l'expulser ce mardi, elle a préféré prendre la fuite. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Vivacité. Vous aimez nos émissions? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui? Vous avez envie de partager vos idées ou de retrouver des infos données à l'antenne? De tout connaître des coulisses de la radio? Bref, vous aimez Vivacité? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. Ça s'entend, ça se voit, ça se suit, mais jamais bêtement. On n'est pas des pigeons. Le magazine conso de la RTBF est plus que jamais présent partout. Retrouvez Sébastien Nolvaux et ses chroniqueurs de 11h à 13h sur Vivacité, dès 18h30 sur la Une et, quand vous le voulez, sur les réseaux sociaux. On n'est pas des pigeons, mais on sait voyager. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur, vivacité. Dès 4h30. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Et au 070-233-466 sur la table, l'école dénonce qu'il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 par classe. C'est quoi la réalité, Zoé, à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Ingrid de Florentville. La réalité est bien plus obscure que ce que veulent nous faire croire les autorités, Benjamin. Dans la classe de Joséphine, la fille d'Ingrid, on compte exactement 32 élèves, pas un de plus, pas un de moins. Et c'est beaucoup trop. Non seulement la maîtresse ne peut pas prendre le temps de s'occuper de chacun de ses élèves, mais comme il le faut, mais en plus de ça, à la fin de la journée, c'est la migraine assurée. Ingrid plaint cette pauvre institutrice. Quand on pense que certaines mamans ne sont pas capables de gérer deux enfants ou trois, comment font ces femmes? Ce sont des surhommes, nous dit Ingrid. Elle ne s'étonne plus du nombre de dépressifs qu'il pourrait y avoir dans l'éducation nationale, m'a-t-elle dit, Benjamin. Julie, dans C'est vous qui le dites. Angélique, bonjour. Bonjour Benjamin. L'histoire d'une famille qui est depuis des années en Belgique. Le 8 août, la police débarque au domicile, arrête tout le monde, on les place en centre ouvert. Et qu'a fait cette jeune fille kosovare de 16 ans? Elle a pris la fuite avec son papa alors qu'elle allait se lancer dans un parcours d'infirmière. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? Mais bien sûr qu'elle a eu raison. Quand on voit le nombre d'immigrés que la Belgique a accueillis, ils ont des logements, ils ont des salaires, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont plus que tout le monde. Et cette jeune fille qui est là, qui est né chez nous et qui veut faire des études, donc c'est quand même pas pour n'importe quoi, on va l'expulser. Donc vous me dites, ok, elle a bien fait. Elle a bien fait d'échapper à l'expulsion qui devait avoir lieu ce mardi. Mais pour faire quoi? Quand on s'enfuit, quel est l'avenir qu'on peut avoir? De toute façon, si on la renvoie dans son pays, qu'est-ce qu'elle a comme avenir? Elle n'est pas meilleure que chez nous, si elle est en fuite. Il y a une famille, enfin je vous dis ce qui peut être sur la table potentiellement comme argument, il y a une famille, un encadrement, elle ne parle pas, mais elle a le père, le frère, la sœur, la mère qui peuvent l'aider, elle peut se reconstruire et peut-être revenir en Belgique. Ici, c'est une fugitive. Fugitive, on a combien de fugitifs en Belgique, Benjamin? Et pour eux, on ne fait rien, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cette fille? Comme elle est stable, on va la renvoyer. Chez nous, on ne prend plus que les rebuts. Mais je vous demande s'il y a un risque. Être fugitif, ça veut dire plus de papiers, plus de sécurité sociale, plus de droits au chômage. Ça veut dire une vie de clandestinité. Oui, mais justement, c'est là qu'est le problème. Quand les immigrés arrivent chez nous, ils ont tout. Ils ont papiers, ils ont logement, ils ont salaire. Angélique, et je ne vous parle pas des autres immigrés. Elle n'a droit à rien, donc elle doit vivre comme une fugitive. De toute façon, c'est comme ça qu'elle devra vivre n'importe où, je crois. Angélique, permettez-moi de laisser les autres migrants de côté. C'est cette jeune fille-là qui fait un choix, celui de la fuite. Et donc, vous me dites qu'on peut vivre quand on a 16 ans, on peut faire 30, 40, 50 ans de vie en étant en fuite. Mais est-ce qu'elle a un autre choix? C'était quoi elle les autres choix? Elle ne peut pas rentrer dans son pays, c'est qu'il y a une bonne raison quand même. C'était quoi les autres choix? Son choix de faire des études chez nous et d'avoir un métier, d'avoir une situation. Ah ça c'était le plan A, mais évidemment depuis il n'est plus possible. On verra Angélique si on peut aller plus loin dans cette conversation tout à l'heure au 070-233-466. Allons à Ronquières maintenant. Marie-Jeanne, bonjour. Marie-Jeanne, bienvenue, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Est-ce que c'est crédible? Oui. Bien sûr, non seulement. Et en plus c'est l'avenir, vais-je vous dire. Parce que nous avons des milliers de jeunes qui attendent au portillon pour travailler. Vous ne trouvez pas que c'est plus crédible que de ce que le gouvernement fait à nous faire travailler jusqu'à 67 ans? Et pourquoi il y a un petit malaise sur le financement? Alors pourquoi ils ne donnent pas un plan de financement et qu'ils disent revenez dans quelques mois? C'est pour ça qu'ils parce se font dézinguer. Parce qu'il est prudent. Monsieur Elio Di Rupo n'a pas pondu ça tout seul. Nous avons eu le chantier des idées. Nous nous sommes rencontrés et au sujet justement dans un chantier des idées des nouvelles technologies, on a parlé de la réduction du temps de travail. Vous êtes militante socialiste ? Pardon ? Vous êtes militante socialiste ? Je suis militante socialiste et une ancienne déléguée syndicale. Parce que le CDH vous a répondu, hein, dans la voix de Catherine Fonck, le PS fait miroiter une illusion aux citoyens. Marie-Jeanne, promis, on se rappelle tout à l'heure. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Tip Top, du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Take off your clothes, blow out the fire. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Loridez. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24h sur 24 sur vivacité.be. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Bien entamer son année scolaire, la prévention plutôt que la remédiation. Nous en avons parlé ce lundi avec notre conseiller en apprentissage et en orientation scolaire. Si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur nos sites internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vous écoutez Viva, il est 10h. Flash, Catherine Tonnero, bonjour. Bonjour à tous. Un Belge sur 5 est en difficulté sur Internet. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Ligue des Familles et qui ne parle plus de fracture mais d'analphabétisme numérique. 50% des Belges sondés sont incapables de payer en ligne. La Ligue demande que l'on continue tant que possible à offrir le choix, soit Internet, soit le téléphone ou le courrier, et ce pour ne pas exclure 20% de la population. Les contours des métiers dits pénibles se précisent, début d'accord sur plusieurs critères comme l'environnement, les risques du travail, sa charge physique ou émotionnelle. Ce qui pose encore problème, c'est le financement du système, système qui permettra à ceux qui ont exercé un métier pénible de partir plus tôt à la retraite avant 67 ans. Il en sera encore question aujourd'hui lors d'une réunion de la commission pénibilité du Comité national des pensions. Nouvelle journée de deuil national en Italie, les funérailles de nombreuses victimes. Les victimes du tremblement de terre sont organisées aujourd'hui à Amatrice, la ville la plus touchée. Ce séisme a fait, je vous le rappelle, près de 300 morts. 6500 personnes ont été secourues hier en Méditerranée. C'est quasi un record pour une seule journée. Les migrants se trouvaient à bord de bateaux de fortune au large de la Libye. Les sauveteurs s'attendent encore à une journée très chargée aujourd'hui. Une affluence liée à des conditions favorables en mer ces derniers jours. En tennis, 3 Belges attendus aujourd'hui à l'US Open. David Goffin a affronte le jeune américain Jared Donaldson. Kirsten Flipkens sera elle opposée à la roumaine Simona Halep. Enfin, Janina Wickmeyer affrontera l'allemande Julia George. Et puis les Diables Rouges se retrouvent eux ce matin à 11h pour un deuxième entraînement. Entraînement en vue de leur match amical de jeudi face à l'Espagne. Enfin, la météo bien ensoleillée ce mardi et les maxima repartent à la hausse. Ils atteindront jusqu'à 25 degrés aujourd'hui. Un beau temps estival qui se maintiendra jusqu'en fin de semaine. Le point RTBF Mobile Info, on retrouve Stéphane Piedbeuf et toujours ses travaux sur la E42, Stéphane. Effectivement, entre Mons et Tournai, précisément entre Tournevaux et Quin, 7 km de ralentissement et 40 minutes supplémentaires sont nécessaires en direction de Tournai, un secteur à éviter donc. Par contre, ça se passe beaucoup mieux pour rejoindre la capitale. Sur le 411 qui vient de Namur, vous êtes toutefois ralenti de 15 minutes entre Overeil et le carrefour Léonard. Léger ralentissement également sur le 40 en provenance de Gand à hauteur de Ternat. Et puis sur le ring, on perd 10 minutes en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard. 10 minutes également pour la circulation intérieure entre Grand Bigard et Jette. Ainsi qu'entre Wemmel et Strombeek vers Zaventem. Et puis toujours cet accident sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain. Il s'est produit tout à l'heure à hauteur d'Outalen. La bande de droite est toujours obstruée. Il y a toujours quelques kilomètres de fil et le retard est actuellement de 20 minutes en direction de Louvain. gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est vous qui le dites sur Viva, vous retrouvez Benjamin Maréchal. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison, parce que si vous nous regardez sur la une télé, vous savez que depuis ce matin, nous étions dans un autre studio, le temps de réparer notre maison habituelle, le temps du flash pour se déplacer, et nous voici enfin revenus dans la maison de C'est vous qui le dites. La deuxième partie commence maintenant. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. À Thouin, la directrice du fondamental de l'Athénée Royal pratique ce qu'elle appelle la tuictée. Ce sont des dictées de 140 caractères maximum, corrigées par des élèves à l'autre bout du monde. Ce sont donc des petits Canadiens ou des Togolais qui corrigent cette dictée de 140 caractères, inspirée évidemment de Twitter, où on ne peut communiquer que par message de 140 caractères. C'est la question qui dérange de ce matin. Des dictées à 140 caractères, corrigées par des petits Togolais, est-ce que ça ne nivellerait pas par le bas? Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur et à ce stade, avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. Hein. Nous tenterons de parler avec Sandrine Charlier, cette directrice qui a mis en place cette nouvelle manière de dicter. Elle est la directrice de l'Athénée Royal de Thouin. On tentera également de joindre l'association belge des professeurs de français pour voir ce qu'ils pensent de cette nouvelle initiative. Vous avez un avis sur l'orthographe, sur les dictées longues ou les dictées à 140 caractères corrigées par des enfants du bout du monde? Aidez-nous à construire l'interview tout à l'heure en laissant votre éclairage à Zoé. Oui, le problème d'Evelyne de Civrérant, c'est que selon elle, cette institutrice influence de façon négative ses élèves. On n'apprend pas à écrire avec un clavier et tracer les lettres avec un stylo. C'est un excellent moyen mnémotechnique pour retenir les règles orthographiques. À Thouin, la directrice du fondamental de l'Athénée Royal pratique la tuictée, des dictées à 140 caractères maximum, corrigées par des élèves de l'autre bout du monde. Est-ce que ça ne nivellerait pas par le bas? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici vient de s'enfuir avec son papa. Une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? Le PS veut la semaine des 4 jours à salaire égal. Hier, les socialistes ont fait dézinguer de partout. Est-ce que vous croyez que c'est ça le sens de l'histoire et que c'est crédible? Et puis Écolo qui dénonce, il y aurait trop d'enfants dans les classes de maternelle. Or, les autorités disent qu'il n'y en a que 15,8 en moyenne par classe. Quelle est la vraie réalité? Trois débats Zoé au 070-233-466. Mais vous avez choisi d'aller plus loin dans les débats sur cette jeune femme kosovare de 16 ans. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, elle s'est enfuite avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Elle s'appelle Jelza et elle a 16 ans. L'affaire fait grand bruit en Flandre. Nous sommes le 8 août dernier et la police débarque donc au domicile de cette famille. Tout le monde est arrêté. On place la jeune femme et son papa dans un centre ouvert à Zult en attendant l'expulsion qui devait donc avoir lieu aujourd'hui. Mais samedi, Jelza, 16 ans, et son papa se sont enfouis. Ils ont laissé dans le centre toutes leurs affaires. Ils ont laissé leur GSM, sans doute pour éviter d'être localisés. La famille, qui est cette famille? Eh bien, cette famille avait fui le Kosovo en son temps, il y a 22 ans, était passée par l'Allemagne, puis par la Belgique. La jeune fille, Jelza, a fait toute sa vie ici. Elle a appris le néerlandais à Malines. Elle se projetait dans une carrière d'infirmière, avec des études déjà. La jeune fille n'a jamais, jamais, jamais mis les pieds au Kosovo. Elle le disait dans son journal intime. Elle l'a dit dans la presse, elle ne connaît ni la langue, ni la mentalité, ni les traditions. Et la Flandre s'émeut car cette jeune fille a dû s'enfuir. Réponse de Théo Franken, secrétaire d'État Asile et Immigration. La famille a ignoré 8 avis d'expulsion depuis 2003. Il est regrettable qu'un enfant mineur soit victime d'un comportement irresponsable, en l'occurrence celui de ses parents. Eh bien, à ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Les conditions là-bas, monsieur Benjamin, mais c'est impensable de faire des études là-bas pour le moment, c'est pas possible. Comment est-ce que cette jeune fille, elle ne connaît pas la langue, je ne connais pas la langue non plus. Moi, je devrais envoyer mes enfants en ex-Yougoslavie, mais ils sont totalement perdus, ils arrivent sur une autre planète. À qui il faut en vouloir? Parce que Théo Franken dit, c'est la faute des parents, hein. Il est regrettable que l'enfant mineur soit victime du comportement irresponsable des parents qui ont ignoré 8 avis d'expulsion. Je ne sais pas s'ils ont bien reçu les courriers, peut-être qu'ils ont fait suite au courrier, peut-être un peu tard. Est-ce qu'ils ont été mal conseillés? Je ne sais pas. Alors, c'est la conversation que vous souhaitez. Menons-la. Alors qu'elle devait être expulsée ce mardi, eh bien, cette jeune Kosovare de 16 ans a décidé de s'enfuir avec son papa. Une vie dans la clandestinité. Est-ce que c'est possible? Parenthèse. est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir ? 0-70-233-466 par SMS au 30-63. Et dans un instant, Abby, à Evere, viendra dire si c'était ça le bon choix ou s'il fallait retourner au Kosovo pour peut-être revenir un jour chez nous. C'est vous qui le dites. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs ? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler ? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé ? Non ? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, Pépé ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec Vivacité. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le Tip Top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070-233-466. Et vous avez donc choisi une conversation sur ce choix, ce dilemme, fuir ou être expulsé. La jeune fille s'appelle Jelza, 16 ans, une famille de Kosovars, sauf que Jelza a fait toute sa vie ici. Elle a appris le néerlandais à Malines. Eh bien, le 8 août, la police se présente à la maison, embarque tout le monde. Il y a déjà un passif, 8 avis d'expulsion depuis 2003 que la famille n'a pas observé. Mais donc le 8 août, la police se présente au domicile, embarque tout le monde, place tout le monde dans un centre ouvert. Eh bien, samedi, Jelza, 16 ans, et son papa décident de s'enfuir en laissant bagages et téléphone. On sait au combien un téléphone peut être précieux, surtout pour une jeune fille. Il laisse tout et c'est donc une vie de clandestinité qui s'offre maintenant à cette jeune fille. C'est pour ça que nous vous demandons si elle a eu raison de s'enfuir. Est-ce qu'elle a eu raison ? 070-233-466 par SMS au 3063. On demande un avis à Evere d'abord. Abby, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. De manière générale, quel est le choix que vous auriez fait, vous ? Fuir ou être expulsé ? Ben, je vais fuir, certainement. Fuir ? Exactement, oui. Mais quelle est la différence entre se retrouver au Kosovo, dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue et la culture, et se retrouver en errance, de tanière en tanière, de planque en planque ? Quelle est la différence ? Ben, je trouve que fuir, ça sera, ici en Belgique, ça sera beaucoup mieux que retourner dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne sait rien de ce pays. C'est très compliqué. Moi-même, je suis d'origine étrangère. Je vis ici depuis 8 ans en Belgique. Je me sens comme chez moi, alors que je n'ai pas la nationalité belge. Ma femme est belge, mon fils est belge. Je me sens comme chez moi. Si demain, je devais retourner chez moi... Vous êtes d'où, Abby ? De quelle origine ? Je suis d'origine algérienne. Et vous ne pourriez pas retourner en Algérie maintenant ? Je suis retourné il y a 8 ans. Depuis 8 ans, je suis retourné une fois. Je me suis senti un étranger. Alors que je suis dans mon propre pays, la culture... Alors, je vous ramène à Jelza deux secondes. Est-ce que cette fille doit en vouloir à ses parents ? Parce que c'est ça que dit Theo Franken. Il dit, c'est regrettable que l'enfant mineur soit victime du comportement irresponsable des parents. Et ce sont donc les parents qui sont restés sur notre sol, malgré une demande de partir, une demande d'expulsion. Écoutez, Monsieur Benjamin, moi-même, je suis parent d'un enfant belge qui est né ici, qui a 5 ans, qui part à l'école et tout ça, il fait sa vie ici. J'ai jamais cru qu'un jour on peut expulser un Belge, déjà. C'est un peu bizarre. Et c'est pas normal. Cette fille, elle a 16 ans, elle a vécu ici, sa ville ici, c'est son pays. Comment on peut expulser quelqu'un de son pays? Moi, je comprends pas. Mais à 16 ans, alors, on comprend bien que c'était pas le destin qu'elle avait choisi, puisqu'elle voulait devenir infirmière et commencer un parcours scolaire. Mais à 16 ans, en arrivant au Kosovo, encadré par des parents qui sont de là et qui ont connu le pays, on peut pas se débrouiller, on n'a pas la vivacité d'esprit à 16 ans pour rebondir? Sûrement. Déjà, certes, il y a une faute des parents, donc c'est pas normal que ça fait 8 ans qu'ils reçoivent des courriers de l'État et tout ça, et qu'ils bougent pas. Donc là, sûrement, il y a une faute des parents. Mais là, je crois que la fille, elle doit pas payer tout ça. Elle doit pas payer. Oui. Et donc c'est la faute des parents ou c'est la faute de l'État belge ? Non, des parents. Des parents, sûrement, des parents. Ça fait 8 ans... qu'on envoie des lettres et tout ça, alors qu'ils ne bougent pas, c'est pas normal. Abby, il y a un point d'interrogation. Oui. Vous me dites que le meilleur choix à faire là-dedans, c'était la fuite. Ce matin, cette fille, son papa, la maman aussi d'ailleurs, mais ne parlons que de la fille, est quelque part dans la nature, ici ou ailleurs. On peut vivre 50 ans ou 60 ans comme ça? Non, pas du tout, c'est difficile. À mon avis, elle va fuir juste la période... De se préparer et de voir qu'est-ce qu'elle peut faire comme recours et tout ça. Mais impossible de vivre comme ça pendant, une période, non. Donc ça, c'est un constat important, parce que fuir, si vous me dites que c'était ça la bonne idée, que c'était ça le bon choix, oui, mais quoi après la fuite? Parce qu'il y a le lendemain de la fuite, et puis il y a le mois d'après la fuite, et les 2 mois après la fuite, c'est impossible, je le note à Bill, c'est impossible de vivre comme ça dans une vie de clandestinité. Et pourtant, c'est ça qui s'offre maintenant à cette jeune femme. Palizol nous appelle. Tonin, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes en Belgique, vous? Ça fait 16 ans. Et vous êtes originaire d'où? Je suis origine du Monténégro. Est-ce que c'était vraiment une folie de renvoyer des gens au Kosovo? La guerre est terminée. Est-ce que c'était une folie? Bah, pour le moment, moi, ça fait depuis 2 ans que j'étais en Kosovo en visite, parce que vu que je suis d'origine de Monténégro, bah, je ne peux pas rentrer en Monténégro parce que je suis réfugié politique en Belgique. En étant réfugié politique, je n'ai pas le droit, en fait, d'entrer dans mon pays, sinon on m'enlève les statuts. C'est des lois comme ça, on ne sait rien y faire. Et j'étais en Kosovo parce que mon pays, ça me manquait. C'était plus ou moins, c'était mon pays, quoi, entre les Albanais. Et vu la pauvreté, la vie qu'il a en Kosovo, ben, pour moi c'est impensable, quoi. En plus, pour tous les étrangers qui connaissent rien, qui... C'est quoi? C'est pauvre, c'est violent, le Kosovo, c'est quoi? C'est pauvre, c'est violent, c'est ardu, c'est quoi? Ben, pour le moment, c'est vraiment invivable, quoi. C'est vraiment invivable. La vie est chère, il y a une pauvreté, une misère impensable. Tonin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas apparemment dans ce qui s'est passé. Ça fait 8 ans qu'on dit à cette famille, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, nous, Belgique, nous décidons de t'expulser, famille. Ça fait 8 ans que cette famille ne s'organise pas, et un jour, elle est venue avec la police chercher ces gens. Écoutez, mais moi je comprends pas, en fait, je ne sais pas où est-ce qu'il est au niveau de démarche pour cette famille-là. Normalement, il y a des recours en Belgique, et le recours, ça prend vraiment longtemps. Moi, en 2000, j'ai vécu pendant 1 an quasiment dans la rue, j'ai eu des refus, j'ai fait plein de recours. Je suis tombé sur une bonne avocate qui l'a su de me faire reconnaître mon statut de réfugié. Mais alors c'est quoi votre message? Si vous aviez été dans le centre ouvert, là, à côté de Djelza samedi, et que vous êtes à côté d'elle, vous la voyez prête à partir, vous dites jeune fille, reste, ou vous dites jeune fille, pars? Non, pour moi, je serais parti. Fuir? Mais pour aller où? Mais pour aller, écoutez, moi apparemment j'habitais à Bruxelles, hein. Je connaissais beaucoup de monde des étrangers qui n'avaient pas de papiers, qui travaillaient en noir et qui vivaient bien, quoi. Mais qui travaillaient au noir depuis combien de temps? Mais depuis 15 ans, 20 ans, je connaissais des gens. Mais donc cette jeune fille qui voulait être infirmière légalement, elle pourra ou elle devra faire toute sa vie de travail au noir dans la communauté? Ben écoutez, apparemment c'est un choix qu'ils ont fait, quoi. Mais pour moi, une fille qu'elle connaisse rien du tout, là-bas, pour moi, c'est pas la place là. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font. Alors, je retiens, Tonin, qu'il y a un avenir. Mais c'est une vie au noir où on vit dans la communauté, c'est possible. Peut-être pas l'isole où vous êtes, mais à la capitale. Cette jeune fille a appris le néerlandais dans une école de Malines et est donc de ce coin-là, de cette région-là. Vous noterez qu'à Malines, on n'est pas très très loin de Bruxelles. Olivier Saint-Lambert nous appelle. Claudia, bonjour. Nous voilà rassurés alors. Elle s'enfuit et elle pourra toute sa vie vivre dans la communauté avec des jobs au noir, c'est bien ? Non, non, négatif. Oui, mais il y a moyen. Oui, ah ben, la Belgique, elle est surpeuplée de ça. Moi, je connais plein de cas qui vivent bien et qui vivent illégal, dans l'illégalité, qui travaillent au noir, qui ne payent pas ses taxes, qui ne payent pas ses contributions. Mais ici, cette jeune fille, pour moi, elle n'est pas responsable. Ce sont les parents qui sont responsables et c'est la Belgique qui est responsable. Donc vous êtes d'accord avec Théo Franken, c'est la faute des parents. C'est eux qui ont ignoré 8 avis d'expulsion. Oui, tout à fait. Et la Belgique est aussi en tort. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? On n'attend pas depuis 2008 ou 2003 ? Depuis 2003. Ah, 2003. Vous rendez compte ? Vous rendez compte combien d'années ? 8 expulsions, mais qu'est-ce qu'on attend d'avoir expulsé la première ou la deuxième Claudia, fois ? Claudia, quand bien même la famille aurait réagi en 2006, en 2010, en 2011, la jeune Jelza, elle n'avait de toute façon jamais connu le Kosovo. Et elle le dit dans son journal intime, elle n'avait aucune envie d'aller là-bas. Mais justement, les parents ont mis cette jeune fille dans l'insécurité, dans l'angoisse, et je trouve que les parents sont responsables, et la Belgique aussi, mais je ne parle pas du gouvernement actuel, parce que le gouvernement actuel, il paye les conséquences du gouvernement Di Rupo, socialiste, Unkelings, Claudia, toutes les crasses qu'on nous a mis sur le dos. Claudia, je vous ramène à cette famille. Et si les parents avaient fait un bon choix, et si c'était l'histoire de parents qui ont décidé de préserver leur petite Jelza jusqu'au bout du bout du bout du bout, et le bout du bout, ça a été ce 8 août 2016. Et maintenant, vous trouvez que là, il la préserve ? Cette fille, qu'est-ce qui va se passer ? Toute cette famille, c'est pas dans l'illégalité qu'on règle des problèmes. Moi, je peux vous dire que je connais 2-3 illégaux, là. Enfin, j'ai découvert qu'ils étaient illégaux. Mais ils ont trouvé des solutions. Comment ils vivent ? Il y en a une, elle s'est fait aider par une avocate. Une autre, et ben voilà, elle a 58 ans. Elle s'est mise à soi-disant cohabitation légale avec un vieux de 94 ans qui a de l'argent. Et voilà, ça passe, ça marche. Claudia, donc ça veut dire qu'à 58 ans, il y a encore moyen de vivre dans ce pays dans l'illégalité. Donc c'est bon pour Jelza. À 16 ans. En plus, elle touche 2 700 € tous les mois en noir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit Jelza ? Il faut la dénoncer à la police ? Écoutez, moi je. Ah, c'est oui ou c'est non ? Moi, je focalise pas sur la gamine. Je focalise sur les parents, sur le système. Et d'ailleurs, j'ai été choquée par le monsieur qui était avant moi et qui disait que lui-même, bah oui, il faut travailler au noir, il faut, voilà, dans l'illégalité. Il a dit qu'il connaissait des gens. Effectivement, il a eu aussi un moment de parcours. Il vient du Monténégro, réfugié politique Tonin. Claudia, vous me permettrez donc de focaliser sur la jeune fille en question, Jelza, 16 ans, parce que c'est elle le visage de la Une de la Flandre. Et son journal intime a particulièrement bouleversé la population. Notamment quand elle écrit qu'elle a toujours voulu construire son avenir ici en Belgique. Ici, j'ai mes amis. Ici, j'ai mes études. Je reprends les mots exacts pour les avoir sous les yeux. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant, nous allons à Namur. C'est Nadia qui viendra faire ce terrible choix. Fuir ou partir au Kosovo, un pays que je ne connais pas. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les 2 premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Faux et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Et au 070-233-466, ce qui perturbe dans ce dossier, Zoé, ce n'est pas tellement le choix à fuir ou être expulsé, non, c'est le nombre d'avis d'expulsion que la famille a ignoré, 8 avis depuis 2003. La conversation se concentre sur ce chiffre-là, apparemment. Effectivement, c'est un sujet qui revient beaucoup dans nos conversations. Il est revenu notamment avec Aymeric de Papigny. Les parents de cette jeune fille ont reçu 8 avis d'expulsion. C'est énorme. Ici, on ne parle pas d'une facture impayée, mais d'un avis d'expulsion. Comment les parents ont-ils pu laisser passer ça? Il y a Florence de Saint-Denis-Beauvais. Depuis 2003, les parents sont avertis. Ils n'ont rien fait, très bien, mais ce qui inquiète Florence, c'est l'inaction de nos autorités. Pourquoi personne n'a interpellé cette jeune fille plutôt que de la laisser partir maintenant? Pourquoi tous ces illégaux s'installent tranquillement sans que personne ne réagisse? Il y a Joachim de la Bruyère et qui est aussi scandalisé par le nombre d'années écoulées avant la fuite. N'y avait-il pas moyen de contacter une association d'aide aux émigrés plutôt que de prendre par la main sa fille, son adolescente et de partir discrètement du pays? Plutôt que d'appeler une avocate. Namur en ligne. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous auriez été dans ce centre ouvert. Quelques jours avant, la police est venue chez vous. Vous êtes dans ce centre ouvert. Vous attendez pour respecter la loi ou vous prenez la fuite? Moi, je respecte la loi. Moi, je suis toujours très carrée avec les règles du pays. Donc je pense que c'est pas fait pour rien, s'il y a des lois, c'est fait pour les respecter. Oui, mais alors que dit Jelza? Je vous cite mot à mot ce qu'elle a dit notamment dans la presse néerlandophone. « Je ne suis pas né pour être illégal. Mes parents fuient la guerre, la violence et la pauvreté, ce sont des gens corrects, ils ont toujours travaillé, n'ont jamais été condamnés. Je ne suis pas né pour être illégal. » Oui, maintenant le Kosovo, je ne sais pas si depuis 2003, c'est ça? Depuis 2003, oui. Il n'est plus en guerre, le Kosovo? Ah ben les parents sont arrivés il y a 22 ans. Hein. Donc le pays était en guerre? Ils ont quitté la guerre à ce moment-là, ouais. Ils quittent la guerre il y a 22 ans, font un passage en Allemagne et puis arrivent en Belgique. La jeune Jelza a fait toute sa vie ici. Donc vous me dites, je respecte la loi, mais cette jeune fille, elle dit, j'ai fait toute ma vie ici. Je ne connais pas le Kosovo, je ne connais pas la langue, j'ai appris le flamand à Malines. Oui, je sais. Mais bon, pourquoi? Peut-être qu'elle peut retourner au Kosovo juste pour un mois, deux mois, le temps que tous les papiers soient résolus, soient faits, et puis je suis sûre qu'elle peut revenir. Vous êtes sûre? Parce que Tonin, il m'a dit, c'est impensable là-bas. Pauvreté, invivable, vie chère. Dans la première partie de C'est vous qui le dites, on a parlé également à Tania, qui connaissait les conditions de là-bas, parce qu'elle était d'ex-Yougoslavie. Elle nous avait décrit ça comme l'enfer. Vous vouliez que cette jeune fille aille tenter sa chance en enfer? Moi, je dis juste que bon, les lois sont faites pour être respectées. Voilà, je pense que si depuis elle serait retournée là-bas, il y a déjà longtemps c'est la faute des parents, ça c'est sûr. Maintenant la fille, bon voilà, mon avis, on n'a rien à lui reprocher, ça c'était un fait. Qu'est-ce qu'elle va devenir d'après vous? La voilà en fuite. Moi, je suis sûre que voilà, c'est plus comme en 2003. Je suis sûre que si un dossier qui est introduit, elle va pouvoir revenir. C'est l'histoire de peut-être même 15 jours ou un mois. Je suis sûre qu'elle va revenir. C'est pas ce que dit Theo Franken. Theo Franken dit pas il y a une porte ouverte à réintroduire un dossier. Theo Franken dit il y a eu 8 ordres d'expulsion. On ne peut faire aucune exception. Il n'y a pas eu de succès dans leur demande d'asile. Point. Voilà. Il est clair qu'ils ne pouvaient pas rester ici sur le territoire belge. Ouais, c'est à cause de l'illégalité, c'est pour ça qu'il ne pardonne plus, ça fait depuis 8 ans, depuis 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez cette jeune fille, vous la voyez en rue, Jelza, 16 ans, vous la voyez en rue, vous appelez la police? Non, je ne me mêle pas de ça, moi. Donc vous la laissez dans l'illégalité? Moi, je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe de moi, de faire les choses correctement, mais après les autres, voilà, ils doivent gérer leurs problèmes. Vous pensez qu'elle va se remettre de ça? Son rêve était donc de devenir infirmière. C'était le rêve d'une jeune fille au service des autres dans le monde médical. Là, c'est quelque peu parasité, c'est peu de le dire. Vous pensez qu'elle va se remettre de ce rêve perturbé, déchu? Si elle veut absolument réaliser son rêve, il faut absolument que cette histoire soit résolue. Parce que voilà, dans l'illégalité et tout, elle va encore plus s'enfoncer, moi je dis. Ah, on ne sait pas si elle arrivera à réaliser ce rêve. En tout cas, pas en Belgique, parce que le parcours scolaire est interrompu. On l'imagine mal. Donc avoir fui les autorités, puis revenir lundi à l'école, comme si de rien n'était. Ça semble peu crédible. Nadia Namur, vos premiers mots ont été les suivants. Moi, je respecte la loi. Nous allons au Grand-Duché de Luxembourg. Thérèse, vous êtes dans quelle ville ? Luxembourg. Vous êtes à Luxembourg, ville. Cette jeune fille a décidé avec son papa, samedi, de s'enfuir. Est-ce qu'elle avait un autre choix, dans le fond ? Je ne sais pas, mais je me rappelle quand j'ai fait mes études en Belgique, il existait un texte de loi qui disait qu'un enfant né sur le sol belge a un droit d'option à l'âge de 18 ans. Si cet article de loi existe encore, on coupe à cet enfant le choix de la nationalité. On éclaircira l'aspect législatif dans moins de 10 minutes. On la prive peut-être d'un droit. On éclaircira ce point-là avec un avocat spécialisé dans moins de 10 minutes pour avoir le fin mot de l'histoire. Voilà. On comprend quand même que cette famille était au bout de toutes les procédures, sinon ils auraient pu encore jouer la montre ou encore introduire des appels en tout genre. Je vous pose ma question, est-ce qu'elle avait un autre choix ? C'était la fuite ou quoi ? Mais je ne sais pas si on allait l'arrêter ou... Elle était arrêtée, donc la police vient à son domicile le 8 août. Elle explique qu'elle est là en plein petit déjeuner. La police entre, on embarque tout le monde et on les met dans un centre ouvert. Je ne sais pas vous répondre. C'est dur ? J'habite depuis 1970 à Luxembourg. Je ne connais pas les règles belges. Non, mais vous voyez le mécanisme. Mais je me rappelle de cet article de loi. Thérèse, j'entends bien. Sur le sol belge a le droit d'option à 18 ans. J'entends bien, Thérèse. Mais ma question est la suivante. Est-ce qu'une jeune fille de 16 ans qui se fait arrêter par la police au petit matin... Je ne sais pas répondre à votre question. Si elle vient de me demander à manger des vêtements chauds, je les lui donnerai. Mais... je n'irai pas la dénoncer, c'est évident. Mais elle va se remettre de ça ? Vous pensez qu'elle va se remettre de ça ? Ou c'est une épreuve anecdotique ? Non, ce n'est nullement anecdotique. Nullement. C'est une hors-la-loi ? C'est très grave. C'est très très grave pour la psychologie de cette jeune femme. Très très grave. Et pour sa confiance en l'avenir. Je suppose que cela va la toucher profondément et pour de très nombreuses années. C'est une fugitive, c'est une hors-la-loi ? Elle est fugitive, oui. C'est une fugitive. Je retiens, Thérèse, le mot que vous avez choisi pour ponctuer cette conversation. On éclaircit le législatif dans quelques instants. Il est 10h30, c'est l'heure de la proportion. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que sa fuite, la fuite de cette jeune fille, prouve une certaine culpabilité ou responsabilité ? 75% pense que la fuite est synonyme de culpabilité. Si cette jeune fille décide de s'enfuir avec son papa, c'est tout simplement qu'elle est coupable, qu'elle se reproche quelque chose. Sinon, elle aurait engagé un avocat et entamé des poursuites pour garder, pour obtenir la nationalité belge. Le RTBF Mobile Info, Stéphane. Et toujours ces travaux qui vous ralentissent sur le 42 Mons-Tournai entre Tournevaux et Quin. 7 km de file, 30 minutes supplémentaires en direction de Tournai. Pour rejoindre Bruxelles, on perd 10 minutes sur le 411 qui vient de Namur entre Overijse et Léonard. Quelques minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Gand à hauteur de Ternat. La circulation est ralentie. Puis sur le ring, 10 minutes en plus en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard. Et un quart d'heure supplémentaire entre Grand Bigard et Zaventem pour ce qui est de la circulation intérieure du ring. Dans Bruxelles, ça ralentit toujours dans la boucle du tunnel Stéphanie vers la Basilique. Et puis toujours cet accident en cours sur le 314 Maasmechelen-Louvain, hauteur d'Outalen. La bande de droite est neutralisée, il y a 8 km de file avec 30 minutes en plus en direction de Louvain. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Une école de Thouin, l'Athénée Royale en l'occurrence, pratique la tuictée, c'est-à-dire une dictée de 140 caractères maximum. Et la tuictée des élèves de 100 caractères maximum est corrigée par des élèves à l'autre bout du monde, au Togo. Est-ce que ça ne nivellerait pas un peu par le bas ? J'attends un nom juste après la pause. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Oh, check. Et ton CCML ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CCML ? Double check. CCML, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Il y a deux jours de la rentrée des classes, on découvre qu'à Thouin, la directrice du fondamental de l'Athénée Royal pratique ce qu'elle appelle, ou ce qu'on appelle, la tuictée, inspirée de Twitter. C'est une dictée de 140 caractères maximum qui est corrigée par des élèves à l'autre bout du monde. Des dictées à 140 caractères corrigées par des petits Togolais. Est-ce que ça ne nivellerait pas un tantinet par le bas? C'est la question donc à deux jours de la rentrée dans le journal L'Avenir de ce matin. Cette dame directrice de l'Athénée Royal, ou en tout cas de la partie fondamentale, est très fière de présenter son système qui motiverait les élèves plus que jamais. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous proposer? Oui, et ce nom, eh bien, c'est Sandrine Charlier, la directrice de l'Athénée Royal de Thouin. Cela fait maintenant un an que cette enseignante a intégré les dictées en 140 caractères dans ses classes. Elle est la première à avoir proposer ce nouveau type de dictée à des enfants de première et deuxième primaire. Et ce nouveau type de dictée a tout à fait éclipsé la dictée traditionnelle. Sandrine Charlier propose aussi à ses élèves des ateliers orthographiques et des dictées frigo, comme elle les appelle. Une phrase courte est dictée deux fois aux enfants et ceux-ci ont trois possibilités de corriger leur phrase grâce à un espèce de copillon placé dans le fond de la classe sur le frigo. Alors les tuictées, elles sont rédigées avec toutes les classes du réseau francophone. Les enfants se corrigent les uns les autres en s'envoyant des règles orthographiques, ce qu'on appelle des tuties. Et ce mouvement vers des dictées toujours plus courtes semble être apprécié puisque l'on peut trouver des outils pédagogiques sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pensez à vos enfants et à leur orthographe, pensez à votre façon de voir l'apprentissage de l'orthographe. Nous sommes ici sur des dictées de 140 caractères. Vous pouvez nous aider à construire la conversation de tout à l'heure, en laissant un éclairage au standard via Zoé. Et le problème pour Hector de Calonne, c'est que sous cet aspect tweet branché se cache une stratégie. Si des petits Togolais corrigent les dictées des élèves, l'enseignante n'a plus qu'à se tourner les pouces et ne fait plus rien. La dictée, la tweetée, synonyme de flemme, nous dit Hector. Des dictées à 140 caractères, corrigées par des petits Togolais, est-ce que ça ne nivellerait pas par le bas? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur cette histoire qui émeut la Flandre. Alors qu'on devait l'expulser ce mardi, une jeune Kosovare de 16 ans qui a fait toute sa vie ici a décidé de s'enfuir avec son papa, une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir? Une fois encore, la séquence des faits si vous arrivez maintenant dans la conversation. Le 8 août, la police au petit déjeuner débarque dans la maison de la famille. Tout le monde est arrêté, placé en centre ouvert à Zulte. On attend l'expulsion, mais non. C'est à ce moment-là que Jelza, 16 ans, décide de laisser ses affaires, son portable, comme son papa, et ils prennent la fuite. On est sans nouvelles ce matin. Cette jeune fille qui a fait toute sa vie ici, qui a étudié le néerlandais à Malines et qui a dit dans son journal intime et dans la presse aussi « Je ne suis pas né pour être illégal ». Réponse de Théo Franken. Attention, cette famille a ignoré 8 avis d'expulsion depuis 2003. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Jean Blou. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Raisonnablement, est-ce qu'on pouvait conseiller à cette famille, à ce papa, à cette fille, de fuir et de devenir hors la loi? Est-ce que c'était raisonnable? Pour moi, franchement, oui. Oui, parce qu'il faut voir aussi sa situation financière. Parce que vous dites qu'à tantôt, on va recevoir un avocat. Demandez un peu les prix à l'avocat d'abord. Moi, j'ai un copain, M. Benjamin, qui vit tout près de moi. Il est parti du génocide du Rwanda, il avait 14 ans. Il en a 24 aujourd'hui, il n'a toujours pas ses papiers. Alors oui, il y a des ordres d'expulsion. Alors, des ordres d'expulsion, qu'est-ce qu'on fait ? On refait appel, et on refait appel, et hop, et on est reparti, on reçoit un ordre d'expulsion, on refait appel. Votre ami, il en a déjà reçu combien ? 4, je crois. Et vous savez combien ça coûte à chaque fois un appel ? Vous croyez que les familles ont de l'argent ? Vous savez qu'un avocat spécialisé, comme vous dites, j'en ai été voir un il y a 3 jours, parce que bon, on a le même avocat, vous savez que pour écrire une lettre, c'est 170 euros, monsieur. Marc, pourquoi votre ami, parce que j'en reviens au comportement de cette famille, pourquoi votre ami, oui, pour essayer de comprendre le processus, pourquoi il ne part, oui, pas ? Donc s'il reçoit des demandes d'expulsion, pourquoi il ne les respecte pas ? Ben, comment vous voulez qu'il les respecte ? Il est venu ici, il avait 14 ans, il a fait toutes ses études à Namur, il reçoit un diplôme de cuisinier, il a tout fait en Belgique, il n'a plus aucun parent là-bas. Alors on lui dit, on va l'expulser ? Chez qui ? Chez quoi ? Où ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils sont faciles, la Belgique. Mais tu offres qu'elle ne dit pas l'argent qu'il prend sur tous les réfugiés qu'il apporte. Un avis, donnez-moi un avis. Est-ce que les parents de la jeune Jelza, 16 ans, n'ont pas loupé une opportunité ? Donc depuis le début des avis d'expulsion, depuis 2003, est-ce qu'ils ne pouvaient pas construire, penser, aménager un peu le destin pour éviter de se retrouver là, dans une situation de fuite ? Est-ce, oui, que les parents n'ont pas manqué de clairvoyance ? Attendez, je suis sûr que cette famille, elle a fait des appels. Parce que si elle en a eu 8, elle a fait des appels, elle a été en recours, et ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, un jour, on a saisi le dossier, après le 8e, et on a dit, oh, eh bien, voilà, ceux-là, on va les prendre, on va les expulser. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de faire le recours à ce moment-là. Et alors, j'aime bien vos auditeurs quand ils disent, oui, mais ils en ont eu 8, ils l'ont évité, et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 8 ? Vous savez combien ça dure, les procédures ? Moi, j'aime bien. On le voit dans d'autres dossiers. Les procédures d'appel sont parfois longues, et puis parfois l'avis d'expulsion de la Belgique est aussi mal motivé, donc il faut reformuler un peu les choses. Marc, chacun avec son avis. Les autres, comme vous, bien sûr. Alors à 10h39, appelons les experts. Voici un avocat spécialisé dans le droit des étrangers au sein du bureau d'Aillé. Pierre Robert, bonjour. Bonjour. Il y a quelques éléments qu'on voudrait comprendre sans avoir l'entièreté du fond de ce dossier. Quand la Belgique délivre un avis d'expulsion, est-ce qu'il s'adresse, est-ce qu'il vise une personne ou il vise en général l'ensemble d'une famille ? Alors ça s'appelle un ordre de quitter le territoire et donc ça vise une personne. Ce sont des décisions qui doivent être individualisées et quand elles concernent des enfants, elles s'appellent des ordres de reconduire qui sont notifiés à leurs parents. C'est donc les parents qui restent, en tout cas symboliquement, à la manœuvre, ou le pion pivot dans le dossier. Oui, c'est ça. Alors, il y a effectivement des possibilités de recours, en général, dans les 30 jours, contre les ordres de quitter le territoire. Mais je ne suis pas l'avocat de cette famille, et donc je ne sais pas... Bien sûr, c'est le principe général qu'on va commenter. C'est le principe général qu'on va commenter. Ça, c'est le principe général, oui. Comment peut-on ignorer ou ne pas répondre à 8 avis d'expulsion ? Est-ce qu'on peut en recevoir 8 et faire appel 8 fois ? On peut bien sûr introduire un appel contre chaque décision individuelle et donc contre 8 décisions, on a le droit d'introduire 8 appels. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé au niveau des procédures. Donc il arrive très régulièrement. J'ai lu dans la presse flamande qu'il y avait une demande de régularisation médicale à un moment. Il arrive très très régulièrement que l'Office des étrangers, donc l'administration, prenne une première décision négative, que celle-ci soit annulée, qu'elle en prenne une deuxième, qu'elle soit annulée, etc. etc. Et donc dans ces cas-là, on a parfois un vrai carrousel, mais c'est un carrousel qui est mené par l'administration qui refuse de se plier aux décisions du juge. Quel est le fin mot en matière de nationalité ? Parce que je vois beaucoup d'interpellations là-dessus par SMS au 3063. Si cette jeune fille qui a 16 ans est effectivement née en Belgique, si elle est née en Belgique, est-ce qu'elle a d'office la nationalité belge ? Non. Alors, elle n'a pas la nationalité parce que pour pouvoir obtenir la nationalité du fait de la naissance en Belgique, il faut que les parents aient été en séjour légal. Et ça n'a visiblement pas été le cas, mais d'après mes informations, cette jeune fille n'est pas née en Belgique. Mais je voudrais ajouter quelque chose au niveau du principe par rapport aux ordres de quitter le territoire. C'est quand même c'est aussi une question de communication politique. Il ne faut pas oublier que Theo Franken, lorsqu'il était parlementaire et pas encore secrétaire d'État, était intervenu notamment dans l'affaire du jeune plombier afghan et avait dit à l'époque à Magui de Blocq, si moi j'étais secrétaire d'État, ce sont des situations dans lesquelles je régulariserai parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a des enfants scolarisés, parce qu'il y a intégration. ici, il est mis face à ses contradictions et donc, si vous voulez, il dévie le tir ou il dévie l'attention en parlant des recours. Est-ce que sur le plan moral, éthique ou sur le plan de la loi, avoir fait 16 ans dans un pays, avoir fait une fréquentation assidue d'établissement scolaire, avoir appris le néerlandais et s'être projeté dans un avenir des études d'infirmière, est-ce que ce sont des éléments que l'Office des étrangers peut prendre en compte ou ça sont des éléments qui sont inexistants sur le plan légal et même moral ? Ce sont des éléments que l'Office des étrangers peut prendre en compte, mais avec une énorme marge d'appréciation et tellement grande que souvent, on a l'impression d'être confronté à, disons, un arbitraire de la part de l'administration. Il y a d'autres pays européens avec des réglementations qui ont existé ou qui existent et qui encadrent plus le pouvoir de l'administration. Par exemple, en France, pendant tout un temps, on a eu une règle qui voulait qu'au bout de 10 ans de séjour, il y avait la possibilité d'être régularisé sur base de ces 10 ans de séjour. Dernière chose, très rapidement, est-ce qu'elle aurait pu donc suivre le jeu tel qu'on lui impose, retourner au Kosovo et à partir de là, réintroduire une demande vers la Belgique ? Ça, c'était crédible ou c'était utopie ? Non, ça, je pense que c'est un peu une argutie juridique. Et le secrétaire d'État dit, vous pouvez rentrer et puis introduire une demande pour suivre des études supérieures comme, comme infirmière en Belgique. Je pense, j'ai lu qu'elle ne parlait pas la langue de l'enseignement au Kosovo. Mmh. De toute façon, pas encore 18 ans et pas de diplôme. Ça, je pense que c'est pas très... Donc ça ne marchait pas. C'était pas de l'ordre du crédible. Merci Pierre-Robert d'avoir mis un peu d'éclairage là-dessus. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit des étrangers au sein du bureau d'Aillé. Nous allons 070-233-466. Zoé, une adolescente en fuite, c'est une adolescente sans avenir. Citation que vous venez d'entendre. Oui, c'est ce que m'a dit Fabienne de Gages. Fabienne est maman d'une adolescente de 14 ans. Et si sa fille devait vivre dans la clandestinité, Fabienne en est persuadée. Hein, elle ne s'en relèverait pas. Son avenir se dessine aujourd'hui, ses envies professionnelles commencent déjà à s'écrire dans le livre de la vie. 16 ans, c'est un âge plus que déterminant pour Fabienne. Si vous êtes en fuite, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus personne à qui vous confier, plus d'envie et vous risquez de rater ce moment d'innocence mais aussi de choix qui déterminera l'adulte que vous serez. C'est vous qui le dites, Liège. Christian, bonjour. Bonjour Benjamin. Dans le fond, on n'a pas parlé du papa. Que penser de ce papa qui, samedi, donc, est dans ce centre ouvert adulte et qui part avec sa fille? Alors, on ne sait pas qui entraîne qui, mais ils sont partis à deux. Que penser du papa? Ben, j'aimerais pas être à sa place, d'abord, parce que dans l'énervement, dans l'angoisse, dans la panique, je ne sais pas quel mot employer, on ne prend pas souvent de décisions rationnelles et raisonnables. Donc, ils ont choisi de partir. Ben, je ne peux pas dire c'est bien, c'est mal. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place et dans la même situation. Ce que je voudrais dire au nombre d'intervenants que j'entends ou dont je lis les commentaires, c'est que moi j'ai un petit coup de gueule à passer dans le sens où on me dit « Oh, c'est ça la Belgique, qu'est-ce que c'est que ce pays ?» Moi j'en ai un peu marre de lire et d'entendre ça. La Belgique, c'est pas le paradis, tout le monde le sait, mais c'est pas le foutoir non plus. C'est un pays où on a des lois et où on respecte les lois. Et si les lois sont mal faites, il n'appartient pas aux citoyens ou à l'administration de les changer. Non mais vous entendez qu'il y a une large marge d'appréciation. Et la question c'est la suivante, qu'est-ce qu'on fait devant une jeune fille de 16 ans qui dit « je parle pas la langue du Kosovo, j'ai jamais mis les pieds là-bas, moi je n'ai rien à voir avec ces gens ». Je ne parle pas la langue du Kosovo, je veux bien le croire, mais j'ai du mal. Je connais assez de familles étrangères en Belgique qui, chacune à leur façon, pratique la langue nationale à la maison. Alors si cette fille ne parle pas le kosovar, je veux bien le croire. Elle ne connaît pas la mentalité, elle ne connaît pas les traditions, la mentalité. Elle a appris le flamand à Malines. Je ne jette pas de pierre à la fille. Si je dois prendre un responsable, ce sont les parents et l'administration, dans des proportions différentes, évidemment. Mais vous avez quand même sous-entendu que c'était une mauvaise décision, parce qu'elle n'était pas rationnelle. Vous m'avez dit dans la précipitation, oui, on ne fait jamais un choix rationnel. Ils étaient angoissés, comme ils devaient l'être certainement. Bah, ils ont choisi ce qui semblait pour eux le mieux à ce moment-là. Je ne sais pas, j'y étais pas. J'en veux à l'administration aussi. Parce que 8 avis de quitter le territoire, etc., c'est pas raisonnable. Maintenant, j'imagine que, comme disait l'expert, ils ont dû épuiser tous les recours et tous les moyens de recours contre ces avis d'expulsion. Maintenant, le temps passé pour délivrer ces avis d'expulsion, etc., et les recours, est-ce que nos politiciens ne devraient pas revoir les lois et raccourcir les délais ? Vous pensez que Pristina au Kosovo, Pristina capitale du Kosovo et Malines, vous pensez que c'est similaire ou que c'est très différent ? Ah, c'est certainement très différent. Forcément. Et il vaut mieux vivre à Pristina ou à Malines ? Si j'ai le choix, je vivrai à Malines, évidemment. Mais ici, je suis pas dans leur situation. Ils sont là, ils sont venus dans des circonstances que je n'aurais pas aimé vivre non plus, bien sûr. Mais ils devaient savoir en arrivant que ça ne pouvait pas probablement durer toute la vie. Ah, c'est le terrible choix de Djelza. Fuir ou être expulsé. Merci d'avoir commenté, Christian. On marque une pause, et puis cette école de Thouin, où les dictées font juste 140 caractères. Ce sont des petits Togolais qui corrigent. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Bien entamer son année scolaire, la prévention plutôt que la remédiation. Nous en avons parlé ce lundi avec notre conseiller en apprentissage et en orientation scolaire. Si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célib, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Samsung Galaxy J5 à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. À deux jours de la rentrée, on découvre à Thouin, dans le journal L'Avenir, la directrice du fondamental de l'Athénée Royal qui pratique la tuictée, des dictées à 140 caractères corrigées par des élèves à l'autre bout du monde. Est-ce que ça ne nivellerait pas par le bas? Avant d'interpeller cette directrice, dernier éclairage au standard, Zoé. Mais le problème pour Quentin de l'Audelinsard, c'est qu'on néglige l'importance de l'écriture papier. Quand on est petit, on personnalise son écriture, les formes de ses lettres. Un détail qui n'est pas négligeable puisqu'on détermine parfois la personnalité de quelqu'un par sa façon d'écrire. Pour le bien-être des enfants, Quentin dit non au tuictée. Institutrice et directrice de la section fondamentale de l'Athénée Royal de Thouin, Sandrine Charlier en ligne, bonjour. Bonjour. D'abord, à quoi a-t-on affaire? Ces dictées de 140 caractères, vous les faites avec des élèves de quelle année d'études? Alors, moi, je les ai fait avec des tout-petits de première année, donc je faisais partie de la team CP sur Twitter. Et cette année, je vais le faire avec des grands, voilà. Des grands de quel âge? Les 3e, 4e, 5e et 6e primaire. 3e, 4e, 5e, 6e primaire. Certains s'inquiètent de la faible qualité ou de la faible ampleur du message. En 140 caractères, on ne peut pas avoir des phrases ou des bouts de phrases d'une ampleur intellectuelle et d'une ampleur grammaticale extrême. Vous simplifiez dans le fond. Oh, simplifier, non. Disons qu'on cible. Quand on a une dictée bien fournie avec plein de phrases, une fois sur deux, on oublie que certaines choses n'ont pas été vues par les enfants, ne sont pas spécialement acquises. Et ici, ben nous, on cible des difficultés qu'on veut pouvoir exploiter à ce moment-là dans notre classe. Vous pouvez me donner un exemple de phrase en 140 caractères qui serait une tuictée très complexe pour l'enfant? Alors, en tenant compte du fait que ben moi, j'ai des tout-petits, donc j'avais des premières années, la une des premières tuictées l'année dernière, ça a été la soupe de Léa mijote dans la marmite, avec des sons complexes, avec des mots qui ont des lettres qu'on n'entend pas, etc. Mais à quel moment vous passez à la dictée traditionnelle, celle qui nous apprend à faire un texte long, celle qui nous apprend en plus de la grammaire à développer le sens, à quel moment vous passez au texte long? Ou vous les oubliez complètement? Alors, au niveau des dictées, moi, j'oublie complètement les textes longs. Complètement. Par contre, Par contre, je fais énormément, tous les jours, en fait, du savoir écrire. C'est-à-dire que tous les jours, mes élèves, ils écrivent. Ils écrivent et ils doivent me remettre tous les jours un travail qui évolue. Et à la fin de la construction de ce travail, il ne va plus y avoir de faute d'orthographe. Donc, par exemple, si je leur demande de se présenter pour qu'on se présente à nos correspondants, ils doivent créer un texte de présentation qui doit faire beaucoup plus de lignes qu'une tuictée et dans laquelle je dois retrouver des règles d'accord respectées, etc. Alors j'en reviens à la tuité. Pourquoi vous sous-traitez la correction à l'étranger? Pourquoi ce n'est pas vous l'enseignante référente qui corrigez ces textes courts de 140 caractères? Pourquoi vous confiez ça aux mains d'un petit Canadien ou d'un petit Togolais? Alors, en bref, quand on permet à d'autres enfants de corriger la dictée, les autres enfants, ils négocient pour réfléchir, pour trouver les erreurs, etc. Nous, on fait de même en classe. Évidemment, moi, je jette un œil tout le temps, donc j'ai une première vague de correction que je fais, mais sans rien noter pour les enfants. Je note tout pour moi-même sur un papier, une feuille à part. Vous avez déjà du recul pour voir si le niveau des élèves avec cette méthode-là progresse ou s'il n'y a pas d'effet majeur? Vous avez déjà du recul suffisant? Alors, moi, ça fait un an que je pratique cette dictée. J'ai des élèves qui ont fait des progrès immenses au niveau de la compréhension du mot et de la phrase. J'ai des élèves qui ont fait de gros progrès au niveau de certaines règles grammaticales qu'on voit en première. En première, on n'en voit pas énormément. On voit le féminin, on voit le pluriel, on voit certains petits verbes comme « est », comme « a », etc. Mais en soi... Il y a progression. Il y a une progression. Et même mieux, les enfants s'approprient ce qu'ils ont construit dans les tutis. Ils s'approprient les balises qu'on utilise pour corriger leurs propres écrits. Ce qui veut dire vertu pédagogique. Évidemment, c'est votre version. Et chaque enseignant, encore à l'écoute ce matin avant la rentrée scolaire, se fera un avis. Je signale donc que les élèves de 3e, 4e et 5e primaire vont connaître la tuitée chez vous à l'Athénée Royal. Merci Sandrine Charlier, vous en êtes la directrice. On marque une pause et les enseignements. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Vive à Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Tu as réussi ta 6e technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Et donc à Thouin, dans l'école et dans l'Athénée Royale, des dictées à 140 caractères. Sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, Marion Jomotte. Vous êtes 40 342 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Vincent trouve que ce n'est pas un nivellement par le bas. Le tweet n'est qu'un prétexte pour apprendre l'orthographe. Alors même sur 140 caractères, il y a moyen de faire de nombreuses fautes. Peu importe le moyen, du moment que ce soit efficace, c'est ce que Vincent écrit sur notre page Facebook. À 9h, vous avez choisi une conversation sur Jelza, cette jeune fille de 16 ans devait être expulsée ce mardi. Elle a fait le choix avec son papa de s'enfuir une vie dans la clandestinité. Est-ce qu'elle a eu raison de s'enfuir ? Oui, avez-vous dit, c'est la majorité de vos appels. Ce matin, il n'y avait pas de choix, c'était la seule possibilité, avez-vous dit. Vous aurez noté les avis éclairés de citoyens venant des pays de l'Est qui nous ont dressé un portrait très complexe du Kosovo, terre de pauvreté et violente. Tona et Tania ont donc compris le choix de Jelza, il ne fallait pas aller là-bas. Et puis la responsabilité des parents vous semblait évidente. Cette jeune fille subit maintenant la double peine, elle est doublement victime, celle de devoir partir et puis... la peine de parents qui n'ont peut-être pas fait les bons choix en refusant les 8 expulsions. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. Et c'était Iliana de Funminioul. Elle ne comprend pas la logique de l'État belge quand une jeune fille est née en Belgique, qu'elle a toujours vécu ici et qu'elle envisage des études d'infirmière. Il faut l'encourager plutôt que de l'expulser. Iliana est scandalisée. Elle-même fille d'Italien arrivée en Belgique dans les années 70, aujourd'hui boulangère, devrait-elle s'inquiéter d'un possible problème? À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi de commenter la jeune fille qui préfère l'exil au Kosovo parmi les moments de ce matin. Il y a eu Habib des Verts à 10h15, algérien. Il vit en Belgique depuis près de 8 ans. S'il était à la place de la jeune Kosovare, il aurait fait la même chose. Il aurait... Fuir, ça sera, ici en Belgique, ça sera beaucoup mieux que retourner dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne sait rien de ce pays. À mon avis, elle va fuir juste la période de se préparer et de voir qu'est-ce qu'elle peut faire comme recours et tout ça. Mais impossible de vivre comme ça. Les parents ont mis cette jeune fille dans l'insécurité, dans l'angoisse, et je trouve que les parents sont responsables, et la Belgique aussi, mais je ne parle pas du gouvernement actuel, parce que le gouvernement actuel, il paye les conséquences du gouvernement Di Rupo, socialiste, Onkelings, Claudia. Les crasses qu'on nous a mis sur le dos. Bon, les lois, elles sont faites pour être respectées. Si depuis, elle serait retournée là-bas, il y a déjà longtemps, c'est la faute des parents, ça c'est sûr. Maintenant, la fille, bon voilà, mon avis, on n'a rien à lui reprocher, ça c'était un fait. C'est plus comme en 2003, je suis sûre que si un dossier qui est introduit, elle va pouvoir revenir. C'est l'histoire de peut-être même 15 jours ou un mois, je suis sûre qu'elle va revenir. Je suis sûre que cette famille, elle a fait des appels. Parce que si elle en a eu 8, elle a fait des appels, elle était en recours et ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, on a saisi le dossier après le 8e et on a dit, oh, eh bien, voilà, ceux-là, on va les prendre, on va les expulser. Si elle vient de me demander à manger et des vêtements chauds, je les lui donnerai. Mais je n'irai pas la dénoncer, c'est évident. Mais elle va se remettre de ça? C'est très, très grave pour la psychologie de cette jeune femme et pour sa confiance en l'avenir. Je suppose que cela va la toucher profondément et pour de très nombreuses années. Et ce matin, cette jeune fille est donc en fuite. Vous pouvez continuer la conversation sur la page Facebook C'est vous qui le dites, qui est à votre disposition, et vous replonger dans les moments importants. À demain.